Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochon, il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez! Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Ah, moi, je suis sûr qu'il va en avoir. Moi aussi, je suis sûr qu'il va en avoir. Personne ne sait de quoi qu'on parle. Ben, je n'ai mentionné un. Non, c'est parce que ça a commencé la diffusion live en même temps que tu disais « J'espère qu'il va en avoir. » Ah! Ouais. Petit cachetier! Fait que, ben, bonjour tout le monde à l'épisode numéro 43 du Time Out. Du bras de faire des films, en fait, l'épisode Time Out d'aujourd'hui, c'est le 10 septembre 2015. Et ben, comme dans nos épisodes Time Out, ce qu'on fait, c'est qu'on jase des films qu'on a vus récemment ou des séries télévisées, puis tous ces trucs-là. Fait que c'est tout aussi simple que ça. Et oui. Fait que j'espère qu'on va avoir du monde qui va nous regarder. C'était ça, en fait, qu'on se disait. J'espère qu'il va y avoir du monde. Mm-hmm. On est jeudi soir. Ça devrait être plus gagnant un peu que quand on le fait en plein après-midi. Ben, pour présente-moi. Ah, ben non. Non. C'est quoi déjà ton nom, Kevin? C'est Christian Fortier. Christian Fortier. Alors, voici Christian Fortier. Salut Christian, ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Et non, c'est Steven Lefrançois! Ah, j'ai... Ouais. Tu aurais la chance de choisir un nouveau nom, ça serait quoi? Ah, je sais. Je l'ai déjà dit Je suis pas gay, mais je l'ai déjà dit. C'est le prénom le plus épique au monde, c'est Gaylord. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Des gays. Tout ce que je fais, c'est l'imaginer comme ça, là, tu sais, Gaylord. Yeah, tu la tête en l'air. I am Gaylord. GF Gaylord. Ça sonne vraiment comme un personnage de Master of the Universe. Il me semble que le méchant n'aurait pas dû s'appeler Skeletor, il aurait dû s'appeler Gaylord. Mais je pense par rapport à ce film-là, que tu avais dit ça comme par hasard. Non, c'était par rapport à un vieux film des années 50, mais Showboat, en fait, il y avait un personnage qui s'appelle Gaylord là-dedans. OK. Mais il me semble que toi, tu avais dit qu'il y avait... Ah non, peut-être que je me mélange, là. Masters of the Universe, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. On va peut-être en parler un jour. Peut-être. Ah, j'ai vu un peu. J'ai écouté une entrevue avec Bobcat Goldthwait dans un podcast, puis il a parlé d'un de ses films que j'ai jamais vu. Ça s'appelle Hot to Trot. C'est avec un cheval qui parle, je pense, là-dedans. C'est lui la vedette du film. Ça a vraiment l'air intéressant. C'est le cheval, la vedette? C'est le cheval, puis Bobcat. Okay. Mais tu sais, je veux dire, Bobcat n'a jamais vraiment été vedette d'un film. Il a tout le temps été personnage secondaire dans Police Academy ou dans Scrooge, je dirais de même. Puis, tandis que là, ben, c'est lui la vedette. Fait que c'est vraiment... Je me dis que ce serait un bon épisode de m'amener du bras de fer. Ouais, j'avoue, je suis intrigué. Je sais pas c'est quoi en français, mais c'est Hot to Trot. Si du monde qui nous écoute l'ont vu, je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? J'aimerais prendre un petit 10 secondes parce que la nouvelle est déjà rendue vieille, puis je pense qu'on a fait le tour des médias sociaux avec ça, mais je trouve ça triste pour Wes Craven. Ça me tentait juste de le mentionner parce que ça va être ancré dans cet épisode-là. Puis je viens de m'acheter l'édition de Scream Factory de Shockers. Puis j'ai hâte de le revoir. Puis je pense qu'on était pas mal tous dans le mood de se retaper sa filmographie. Puis c'est une bien triste nouvelle dans le domaine du cinéma d'horreur. Fait que c'est une triste nouvelle, je suis très d'accord, mais je plus ou moins dans le mood de me taper sa filmographie personnellement. Puis tu sais, je suis pas quelqu'un qui a vu tous ses films. J'ai jamais vu Shocker, j'ai jamais vu voyons, de ah, comment ça s'appelle? L'Emprise des Ténèbres, là. Le... Ouais, The Snake and the Rainbow. Serpent and the Rainbow. Ouais, c'est ça. Il y en a plein que j'ai pas vu. J'ai jamais vu The Hills Have Eyes 1 et 2. Ah, c'est correct, ça. C'est pas... j'ai vu les Freddy, mais en ce moment, je suis pas vraiment dans le mood. Je suis plus ou moins dans le mood film d'horreur. J'ai beau essayer de recommencer tout le temps d'en réécouter, puis je suis plus ou moins dans le mood. J'en trouve pas qui me passionne tant que ça. Fait que... Ben, gars, c'est pas plus grave. T'as pas besoin de te forcer. J'ai pas... Étonnamment, moi, dernièrement, j'ai vu une couple de films d'horreur parce que ça a donné qu'il y avait des nouveautés qui m'intéressaient, mais ça faisait un bout, là, j'avais pas été dans un gros trip de films d'horreur. Puis c'est parce que dans les peut-être les 2-3 dernières semaines avant ça, je m'avais tapé une couple de films d'horreur, mais ils sont tellement poches que ça m'a comme enlevé le goût. Là. J'ai comme fait, oh, je vais prendre un break, j'ai envie de me taper d'autres genres, puis essayer de tomber sur des bons films parce que veux pas que tu tapes trop de navets d'affilée. Tu perds de goût, là. Ah, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on en parlait avec Sébastien sur Facebook en privé. On se demandait si on allait faire un 31 jours d'horreur. Moi, j'hésite personnellement parce que l'année passée, ça m'a comme brûlé un peu à la fin du mois d'octobre. Rendu au début novembre, là, je voulais plus rien savoir des films d'horreur. Puis ça a pris un méchant bout de temps que je me remette dedans. T'sais, ça a pris jusqu'au Babadook à la fin d'année que j'ai vraiment rembarqué dans l'horreur un peu, là. Au début, je trouvais ça vraiment le fun, mais rendu au milieu du mois, c'était quasiment rendu une corvée parce qu'il y a des soirs que j'avais envie d'écouter un film qui était non-horreur, puis que c'est celui-là qui me tentait, puis je me disais « Ok, donc il faudrait que j'écoute un film d'horreur juste parce que c'est les 31 jours, puis je suis comme obligé. » Puis à un moment donné, j'ai comme fait « Ah, j'abandonne, ça me tente plus. » Tu sais, c'est supposé être le fun et non une obligation. Peut-être que cette année, en le refaisant, je serais plus motivé. C'est ça, c'est parce que c'est octobre, c'est l'Halloween, tu veux te mettre dans cet état d'esprit-là, mais tu veux pas non plus le tuer, ton état d'esprit. Tu veux pas le... tu veux rester dans le mood d'Halloween, tu veux pas... C'est ça. Ben, en fait, moi, je voulais surtout aussi en profiter pour voir des films que je prenais pas le temps de voir. Fait que je me disais que c'était une bonne occasion les 31 jours, mais c'est parce que la plupart du monde suivait la liste à Seb. Mais 80% des films de la liste à Seb, je les avais vus. Fait que j'étais comme passé un mois à me retaper des films parfois que je connais par cœur ou que j'ai déjà vu. Je préfère peut-être essayer de voir plus des films que j'ai pas vus. C'est déjà un peu plus motivant. Là. Mais ça me dérangeait pas la liste. Tu sais que le monde, que moi je suis pas la liste, ça me dérangeait pas. Puis ça. J'ai fait ce que je voulais. En fait, j'ai juste écouté les films que moi j'avais pas vus, qui étaient sur Netflix ou que j'empruntais les DVD à la bibliothèque. Puis, Fait que c'est ça. Dans le fond, la liste, je m'en foutais un peu. C'était une très bonne liste. Là, mais... Oh oui, la liste, je n'ai rien à redire. C'est juste que, comme je dis, j'avais vu la plupart. Fait que ça me motivait un petit peu moins. Là. Ouais. Sinon, on va voir là, avec Horror Gamer si on décide de faire. De faire encore ça. Puis pour les gens qui nous écoutent puis qui sont des fans d'Horror Gamer, inquiétez-vous pas, le site s'en vient. Sébastien travaille là-dessus, mais comme il vient juste d'avoir son petit bébé, ben c'est un peu plus occupé, un petit peu plus difficile de travailler sur le site web, mais ça s'en vient. Petite face de pète qui ressemble à deux gouttes d'eau à son père. Puis, ouais. Ça me commence déjà à le torturer. Je suis comme, mon Dieu. Puis j'ai vu des ébauches du site web, puis ça avance, là, ça s'en vient. Fait que c'est définitif que ça revient, c'est sûr et certain. Mais de toute façon, Horror Gamer est toujours actif sur Facebook, puis le podcast aussi va revenir. Ça sera pas bien long, là. Exactement. Sinon, je me lancerai pas ça me tenterait quasiment, mais non. Tu sais, il y a eu la petite polémique de comment il s'appelle? Pitouf, qui est... Ah ouais, c'est drôle, j'allais le mentionner aussi, c'est le réalisateur Pitouf, je pense que c'est Pitouf. Ouais. Qui a réalisé Pitouf, puis qui a réalisé Catwoman. J'avais compris ton opinion, tu disais, j'aime son franc-parler, parce qu'il disait ouvertement ce qu'il pensait de Quentin Tarantino, de Mad Max Fury Road, et... C'est correct, quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'il pense, mais quand ça sort tout croche, je trouve que c'est pas forcément mieux, même si c'est de la franchise. Je trouvais que c'était maladroit et un peu facile, tu sais, de juste cracher de même sur ces réalisateurs-là. Il aurait pu peut-être plus élaborer de manière un peu plus intelligente et classe, parce que je trouvais que c'était un petit peu cabotin, là, comment il avait fait ça. Surtout, comme les autres disaient, c'est un peu vrai. T'sais, le gars, il y a deux films à son actif qui sont assez de mauvaise qualité. Fait, comment tu peux te permettre un peu de juger les autres réalisateurs quand t'as même pas un film qui a de l'allure dans ta filmographie? Là? Ça, là-dessus, je trouvais ça un petit peu moins crédible. Ouais. Non, puis c'est ça, tu sais, les points qui ont été avancés par les gens qui ont écrit sur mon Facebook, c'était super intelligent, ça avait de l'allure, là, c'était intéressant. Puis moi, dans le fond, je me lance jamais dans ce genre d'affaires-là d'habitude, puis je voulais juste me faire un peu l'avocat du diable en prenant un peu sa défense, mais c'était pas vraiment sa défense parce que je le connais même pas, j'ai même pas vu ses films. Puis, tu sais, tout ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il osait critiquer Mad Max ou des affaires qui sont un peu intouchables, c'est d'habitude comme Tarantino, puis c'est comme, j'étais comme, on n'entend pas personne dire du mal de, ben justement, j'ai de Mad Max cette année, tu sais. J'ai l'impression que c'est juste un peu pour se faire parler de lui, c'est comme moi je vais y aller à contre-courant, je vais cracher sur Mad Max alors que la plupart du monde adore, puis tu sais, même qu'est-ce qu'il dit par rapport à Mad Max, je trouve que c'est même pas... C'est même pas, comment je pourrais dire, j'ai même pas trouvé ça pertinent comme opinion. C'est juste comment Mad Max, c'est juste la version de film d'action du Cirque du Soleil. Juste parce que dans le film, t'as quelques passages avec des gars sur des perches. Mais à part de ça, je vois pas en quoi ça a un lien avec le Cirque du Soleil. Mais non, encore là, il a pas vraiment essayé forcément de débattre. Là. J'ai l'impression que s'il dit, je vais dire ça sur les réseaux sociaux parce que ça fait des années que j'ai disparu, que plus personne ne parle de moi depuis que j'ai fait mon terrible Catwoman. Fait que je vais dire que Mad Max Fury Road, c'est pas bon. Puis là, tout le monde va reparler de moi. Puis c'est ce qui est arrivé. Tout le monde a commencé à parler de lui. Ouais, non, t'as raison. C'est pas... Ça me tentait, je sais pas, je trouvais quand même intéressant ce qu'il disait, moi, personnellement, mais c'est pas... Par rapport au studio, même si c'était peut-être un petit peu poussé, je trouvais ça intéressant, mais moi, c'est vraiment juste ses opinions sur les réalisateurs puis les films que j'ai trouvé vraiment maladroits. Mais qu'est-ce qu'il disait par rapport au studio, ces choses-là, je trouvais que ça avait déjà un peu plus de contenu, puis c'était un peu plus intéressant. Mais ouais, c'est une image trop forte de dire que de travailler c'est comme un viol, tu sais. Puis je me souviens plus exactement... Je me souviens plus de la formulation exacte, mais tu sais, en même temps, ça, quand je le disais, moi, ça me faisait penser au réalisateur de Chronicle qui a parlé contre les studios quand Fantastic Four est sorti cet été, en disant qu'il n'avait pas eu de contrôle sur ce que lui voulait faire. Il avait ses propres idées, mais ils ont toutes bâclé ça, ils ont toutes... rejeter ça du revers de la main, c'est ce que lui, ses idées, puis ils ont demandé de faire le film qu'eux voulaient qu'il fasse. T'sais. Mais 20th Century Fox, je pense, c'est une des pires compagnies en termes de contrôle, puis de bordel hein, à niveau making-of. C'est pas le premier réalisateur qui va s'en plaindre. Là, puis je vais essayer de le retrouver sur YouTube, mais il y avait eu un documentaire super intéressant, ça durait 45 minutes, puis c'était le making-of sur le tournage de Babylon AD avec Vin Diesel, puis c'était Mathieu Kassovitz, un autre réalisateur français qui l'avait fait, puis il avait parlé comme quoi c'était un des pires tournages, que ça, il n'y avait aucun contrôle, puis il est parti à un moment donné durant le tournage du film, puis il y a eu, durant ce temps-là, un making-of qui montrait un peu l'envers, comment c'était sur le plateau, comment c'était vraiment désastreux, puis c'est vraiment intéressant. Je pense que au départ, le documentaire, il avait été... je pense que les studios avaient essayé de faire en sorte que ça ne soit pas disponible. Puis avec les années, justement, ça s'est retrouvé sur YouTube. Puis je l'avais écouté, puis c'était vraiment intéressant. Là. Puis ensuite, tu avais eu Xavier Gans, le réalisateur de Frontières, que lui, il avait fait Hitman, puis c'était la même affaire. J'étais au Fantasia, puis il en parlait, puis il disait que la 20th Century Fox, c'était la dernière fois de sa vie qu'il allait tourner un film avec eux, que c'était dégueulasse. Là. Les producteurs, ils te lâchent pas, puis t'as vraiment aucune... liberté sur le tournage. Là. Tu peux, à chaque fois que tu nommes une idée ou tu essaies de faire quelque chose d'intéressant, il y a tout le temps quelqu'un pour t'en empêcher. Fait que, j'étais comme depuis ce temps-là, on dirait que j'ai vraiment une basse vision de la 20th Century Fox. OK. Bon, ben, sinon, à part ça, on peut parler des films qu'on a vus. Ouais. C'est un peu ça, l'idée de l'épisode. Je te laisse commencer, t'sais. Pourquoi? parce que j'en ai des films, mais ça a commencé. Là. OK. Tu disais que t'avais très hâte de faire l'épisode. Mais moi aussi, là, mais je pense que t'avais encore plus hâte. Fait que... OK, ben je vais y aller avec un petit rapide pour juste quand même m'échauffer. Durant un soir, j'avais rien à écouter. Encore une fois, ça sonne con parce que j'ai une pile immense dans ma chambre de DVD Blu-ray de films à voir, mais... n'y a rien qui me tentait. Netflix est là, parce que Netflix, je m'en sers tout le temps pour me retaper des fois des trucs que ça fait trop longtemps que je n'ai pas vu. Et une bonne soirée, j'ai décidé de mettre Good Burger. Film de la compagnie Nickel Noodles, je ne suis plus trop sûr du nom, qui était spécialisé dans les émissions pour jeunes, adolescents, il y a très longtemps. Puis il avait fait une couple de films, il y avait aussi Clock Watch, qui était considéré comme le genre de retour vers le futur moderne, ce qui était un petit peu fort. Ah, c'était pas Clock Stoppers? Clock Stopper, exactement. Ouais, moi, j'avais aimé ça. Avec le monde qui arrêtait le temps. Oui. Puis j'avais trouvé ça sympathique dans le temps, mais sans plus. C'était fun. Fait que là, je me suis dit, hey, ça me tente de revoir Good Burger. Il me semble que j'avais trouvé ça le fun quand j'étais jeune. Puis j'aime ça voir si l'épreuve du temps fonctionne avec les comédies de ma jeunesse, parce que l'humour, veut pas, ça évolue. Puis on se rend compte que finalement, on avait des goûts pas toujours de bonne qualité durant notre jeunesse. Et ça a mal vieilli. c'est vraiment cabochin comme film. C'est juste à l'entour d'un fast-food qui s'appelle Good Burger, qui font des parmi les meilleurs hamburgers, puis ils vont avoir un compétiteur qui va ouvrir en face qui s'appelle Zumba Burger. Puis c'est tellement over the top. Là, ça rouvre comme si c'était une espèce de gros manoir spatial avec des lumières, des feux d'artifice. Puis leur hamburger, il y a comme, je pense, 13 pouces d'épais. Puis là, ça va juste devenir une rivalité entre les deux qui va tenter de trouver une solution. Puis le Good Burger vont inventer une nouvelle sauce. Puis c'est pas mal ça, le film. Puis on va juste suivre deux adolescents. Un qui est vraiment retardé, qui fait juste faire des stupidités. Tu sais, pour réparer la machine à slush, il va juste aller littéralement à l'intérieur de la machine. Puis il va l'allumer par accident. Puis il va s'amuser à juste tourner dans la machine à slush. Puis à faire « Ouh, jacuzzi! » Puis... Ah, finalement, c'est juste pas bon. C'était juste un mauvais souvenir de jeunesse qui aurait dû rester là. J'ai pas vraiment eu de plaisir. Par contre, ça m'a rappelé à quel point j'avais oublié Sinbad, l'acteur, qui a complètement disparu à un moment donné. Puis ça m'a fait poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec Sinbad? Parce que le dernier film que j'avais en tête de lui, que j'avais apprécié, c'était La course aux jouets avec Arnold Schwarzenegger, que j'avais bien aimé quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, cet acteur-là, il a juste disparu. Puis dans mes souvenirs, il me semble qu'il y avait eu une affaire comme il avait fait une dépression ou il y avait eu une shit avec les médias, je sais pas trop, mais... T'as-tu trouvé, finalement? T'as-tu cherché? Non, ben, j'ai checké, puis j'ai rien trouvé. Fait que je me disais peut-être que Jeff a la solution, vu que c'est M. Trivia, mais... Non, je connais vraiment pas. Je me rappelle pas du visage de Sinbad. Je pourrais pas dire. Mais sinon, c'est pas plus grave. Fait que c'était ça. Good Burger, c'est un mauvais souvenir que j'aurais pas dû revoir pour le fin. J'ai pas grand-chose à dire dessus, c'était juste pour le mentionner, parce que c'est quoi d'autres films que j'avais... J'avais déjà écouté un autre film de jeunesse comme ça que j'avais essayé sur Netflix, puis j'avais vraiment comme fait... Ça a mal vieilli. Je pense que c'est le... J'en avais discuté avec toi, c'est... Il y avait eu Roger Rabbit, qui avait été un gros succès à l'époque, puis après t'avais eu l'autre film avec Brad Pitt qui avait sorti, qui était cool comme un World. Dérivé. Cool World? Cool World, ouais, ça c'est Cool World. Cool World, avec Gabrielle Burns, Brad Pitt, puis... Kim Basinger. Cool World, ouais, puis c'était comme une... Cool World, c'est ça que j'ai dit. C'était comme une version dark de Roger Rabbit. Cool. Hein? Le monde de cool. Le monde de cool, en français, de cool, oui. La mère qui est pas très bon non plus. Bon, Chantal est morte de rire. Y a-t-il une shot que Chantal n'est pas morte de rire? Meurs! Allez, meurs! Bon, c'est à ton tour, là. J'ai passé mon intro. OK, ben j'ai regardé la carrière de Sinbad sur IMDb, puis il n'a pas l'air d'avoir... Il a l'air de continuer encore de nos jours. Là. Ah ouais? 2012, il joue dans une série qui s'appelle Comedy Bang Bang. C'est un épisode en 2015. En tout cas, il fait encore des trucs, là. Il fait des séries télé. Puis, ouais, en voyant le visage, là, j'ai fait, ouais, c'est beau, je me rappelle. Que c'est cute. Ah ouais, c'est bien cute. Pour ceux là, qui si nous écouter en podcast, Chantal est venue voir. Voir de près, Steven. Ouais. J'allais te dire, tu vas-tu parler du film que Sylvain a hâte, mais je ne sais pas s'il est encore là. Fait que moi, c'est pour ça que j'essaie de faire patienter un de mes premiers que je veux vraiment parler. Sylvain, de toute façon, va l'écouter. Puis, ouais, non, c'est sûr. Ça va être live ou pas. Mais pas tout de suite. Okay. Tu m'as fait penser, toi, moi aussi, j'ai regardé un film en fin de soirée, à un moment donné. Je savais pas trop quoi regarder. Je fouillais sur Netflix. Je trouvais pas vraiment de trucs qui me tentaient. Fait que je suis allé voir sur Crackle, parce qu'il y a beaucoup de films gratis là-dessus. Ils ont des pubs au travers, mais on s'en fout, ils sont gratis. Puis, c'est 3 heures à perdre. J'ai écouté un film d'une heure et demie. Il a duré 2 heures et demie à cause des pubs. Ouais, pas pour c'est quand même long, là. Ouais. Le pire, c'est que les pubs sont mal timées. Tu sais, si tu mettrais ça aux bons endroits, OK, mais j'étais en plein dans une scène d'action, puis ça coupe, puis la pub... Ouais, ça j'avoue là, que c'est mal timé. Très mais mal. C'est des films gratis, fait que je m'en fous. Mm-hmm. dans un sens. Puis celui que j'ai regardé, en fait, j'avais deux choix. J'avais soit Voyou ou Héros, Toy Soldiers. J'étais très content de le voir là-dedans. Puis il y a un autre film qui s'appelle... Whitewater Summer. Je serai vérifié, mais il me semble que c'est ça le titre. Ça ne dit rien, ça. Le titre en français, c'est Victoire sur la peur, si je me souviens bien. C'est avec Kevin Bacon puis Sean Astin. Ignore là, là. C'était quoi la marionnette? C'était quoi le toutou? Ouais, c'était un toutou? Ouais, c'est Théo. Ah, d'accord. C'est qui Théo? Théo, c'est la version roux de Bibi. Y a-t-il la même voix? Ouais, il y a la même voix, là. C'est ridicule. Là. Puis évidemment, à cause de mon petit garçon, je connais la toune par cœur. Là. Je m'appelle Théo, je joue ma vidéo. Mais c'est pas nécessaire, là. Qu'est-ce que tu disais, Sean Astin? Fait que c'est ça. Fait que c'est un film avec Kevin Bacon puis Sean Astin. Ça date de 87. C'est l'histoire, en fait, d'un jeune garçon, Sean Astin, qui est un citadin, qui vit en ville avec ses parents. Ses parents arrivent à le convaincre de peine et de misère d'aller passer quelques semaines dans le bois avec un guide, qui est Kevin Bacon, puis d'autres jeunes de son âge à lui, à Sean Astin. Puis ce guide-là, ben, il va lui montrer les rudiments du camping, puis de la pêche, puis des trucs comme ça, puis des affaires un petit peu plus dangereuses. Mais justement, quand il arrive dans le bois, ça prend pas trop de temps pour qu'on se rende compte que le personnage de Kevin Bacon est un petit peu bizarre. Il est un petit peu pas psycho, là, mais quasiment. Là, il va lui faire des affaires qui sont pas très sécuritaires, comme passer sur un pont suspendu, mais qui est encore plus épeurant que celui d'Indiana Jones 2. Puis, grimper sur le long d'une falaise, mais avec d'une manière très peu sécuritaire. Puis, il est vraiment bizarre, on ne comprend jamais vraiment ses motivations. Puis c'est ça un peu le problème du film, parce que on ne sait pas vraiment c'est qui le personnage de Kevin Bacon. Puis à la fin du film, on ne le sait pas tellement plus. Moi, je me rappelais de ce film-là, là, je l'avais vu... Quand j'étais petit, j'avais peut-être 10-12 ans. Je pense que je l'ai vu plusieurs fois à cette époque-là. Là, on devait l'avoir quelque part sur une cassette où je ne me souviens plus. Mais je me rappelais du film, puis j'avais gardé un bon feeling. Puis là, ben, j'ai été un petit peu déçu parce que je trouve que c'est intéressant là, ce qui se passe, mais c'est jamais vraiment exploité à fond. Puis c'est pas... C'est pas bien écrit. Les personnages sont mal définis, puis on les comprend pas vraiment. Il y a juste Sean Astin vraiment auquel on peut s'attacher, puis c'est pas assez, je trouve. Mais la direction photo est vraiment, vraiment très belle. Je me souviens plus c'est qui. Je pense que c'est un directeur photo qui a travaillé pour Kubrick, si je me souviens bien. J'ai oublié son nom. Mais il y avait. Je pense que c'est lui qui a filmé Orange Mécanique, si je me souviens bien. Mais les pauses sont super belles. Des moments que je ne sais juste pas trop comment ils ont fait, parce que le pont suspendu, là, il est vraiment très mince, c'est vraiment très épeurant. Puis la caméra suit Sean Astin, mais de très, très près. Puis je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont pu faire. J'aurais tellement voulu voir un making-of, parce que juste le poids du caméraman plus le poids du jeune, c'était probablement trop pour le... Ça aurait été trop pour le pont. Fait que je ne sais pas exactement comment ils ont pu le faire. T'sais. Même les passes sur le bord de la falaise, puis tout. Il y a plein de trucs que j'aurais vraiment aimé ça voir un making-of. Mais sinon, à part les belles images... Puis, tu sais, le jeu des acteurs est correct, mais sinon, c'est un film un peu à oublier. Là. C'est pas extraordinaire. J'aurais dû prendre Toy Soldiers, le Voyou ou Héros. Ça, je sais que je me souviens que c'était très bon. J'espère que mes souvenirs ne me trompent pas. Là. Il me semble que c'était très, très bon comme film. Tu parles pas du film de Joe Dent, là. Je parle d'un film avec Sean Astin puis les preneurs d'otages dans une école, là. Non, ok, c'est pas le même. Moi, je pensais vraiment que tu parlais du Toy Soldier avec les petits soldats, puis les gargales. Non, c'était ça le titre. C'était... Maintenant, t'as raison, t'as un autre film qui s'appelle Toy c'était Soldier. C'était avec Small Soldiers. Ah non, c'est ça, Small Soldiers. Mais toi, ça, tu penses, c'est celui avec le noir Louis Gazette. Lou Gossett Jr., ouais. Ouais, c'est ça. Puis ça, je me souviens que c'était bon. En tout cas, ça va être un des prochains que je vais regarder sur Crackle, ça, c'est sûr. Ben, si écoute, t'as essayé. C'est déjà ça. Ben, c'est un film qui, ça, que j'avais des bons souvenirs, puis je voulais le revoir depuis très longtemps, puis je pense qu'il est assez dur à trouver en DVD, fait que j'étais vraiment content de le voir là-dessus. Puis comme tu dis, ben, tu le connais pas, toi, tu le connaissais pas, puis c'est pas super connu, fait que... Mm-hmm. C'est tout? C'est tout, oui. Silence. Puis on entend même les criquets dehors, c'est assez fou. Eh bien, comme vous savez, la vidéo de Sylvain Lémenti est sortie sur Flower in the Attic. Et malheureusement, elle a été enlevée à cause des raisons de droits d'auteur. Et c'est vraiment poche, parce que c'est pas la première vidéo que Sylvain fait avec des images des films. Puis là, tout d'un coup, cela se fait enlever. J'ai pas eu le temps de la voir parce que je voulais regarder au moins un des films avant. Fait que j'espère avoir la chance de pouvoir la voir. D'après moi, il devrait réussir à la publier sur un autre format. Mais bon, moi, j'ai décidé d'y aller avec la version Flower in the Attic de 1987. Et non, celle de 2014, parce que Jeff ne m'a pas motivé pas en tout à l'écouter. Ouais, mais si tu avais écouté la vidéo à Sylvain, il t'aurait vraiment pas motivé à écouter celle-là non plus. Ben écoute, c'est parce que j'ai acheté cette DVD-là à 5$ il y a une couple d'années, puis je ne l'ai jamais écouté. Puis là, j'ai décidé de prendre le temps parce que là, tout le monde n'arrête pas d'en parler. Ben, surtout Sylvain n'arrête pas de parler de Flower in the Attic. C'est quelque chose que je comprends pas. Tu vois un DVD avec cette pochette-là, puis tu l'achètes. Puis moi, je m'en serais tenu loin. Là. Mais tu sais quoi, la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est juste parce que c'est Anchor Bay. C'est tout. Parce que dans le temps, Anchor Bay distribuait moins n'importe quoi qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils distribuent un peu trop n'importe quoi. Ils choisissent moins bien leurs films, je trouve. Puis dans ce temps-là, je me suis écrit 5$, puis je m'amusais à faire une collection d'Anchor Bay. Mais bon. Et je trouvais, en lisant l'histoire, quoique c'est plus ou moins bien décrit derrière, que ça avait l'air intéressant. Et Flower in the Attic, je comprends pourquoi tu avais de la misère à essayer de décrire l'histoire la dernière fois avec ta version 2014 ou 2015, Jeff, parce que on suit cette famille-là pour qui le père était tout. C'est drôle, dans cette version-là, la première fois qu'on voit la première et la seule fois qu'on va voir le père, ça va être sur un reflet de lumière. Il va entrer dans la maison, puis il va vraiment avoir une espèce de grosse lueur derrière lui, comme si c'était un ange, comme si c'était la personne merveilleuse pour toute la famille qui va disparaître. Puis par la suite, après sa mort, bien, la mère va décider d'aller avec ses enfants, retourner voir sa mère à elle, qu'elle n'a pas vue depuis 17 ans. Qui vit dans une espèce de palais ou dans une espèce de mansion. En arrivant là-bas, mais son père, lui, il est malade, il est mourant. Puis finalement, à son arrivée, ça prendra même pas 2 secondes que la grand-mère va automatiquement envoyer des enfants dans leur chambre, puis qu'ils vont pas avoir le droit de sortir, ils vont devoir rester enfermés là. Puis dès leur arrivée, la grand-mère est détestable, est super... super rude avec eux. Tu sais, c'est la première fois qu'elle rencontre ses petits-enfants, puis ça ne donne pas fortement une bonne impression. Puis ensuite, elle va créer un espèce de lien avec sa fille bizarre. Elle va se retrouver dans la chambre, elle va sortir un fouet, puis elle va commencer à se dénuder devant son père. Encore là, c'était confus. Dit de même, ça a l'air encore plus confus, mais je ne sais pas quoi penser de Flower in the Attic. Ta version en plus. Il lui manque un gros aspect du roman original puis des autres puis de la nouvelle version en film qui ont dans ta version il manque tu sais il a enlevé la chose qui rendait le roman qui a fait en sorte que le roman a été censuré dans plein de pays, c'est la relation, puis là je vais spoiler là, avertissement tout le monde, je spoil entre le frère et la sœur. C'est la relation entre le frère et la sœur, mais c'est la relation incestueuse, ils ont eu ils ont du sexe là, dans le roman et dans le film de 2014. T'sais. OK. Ben, c'est pas le cas dans cette version-là, t'as raison. Sauf que même si elle en aurait eu, je pense qu'elle aurait eu absolument aucun impact parce que les jeunes acteurs qui ont été pris pour ce film-là sont affreux. Christy Swanson, Buffy. Ah! Oui, je me rappelais quand je l'ai vue, mais forcément, c'est pas elle que j'ai le plus détesté. Elle n'est pas bonne dans le film. Ses répliques sonnent terriblement fausses. Mais les deux plus jeunes, Carole et je sais plus trop, le petit frère et la petite sœur sont vraiment pas bons. Puis, tu sais, des enfants, c'est difficile de juger parce qu'on se dit, gars, c'est des jeunes enfants, c'est rare, c'est forcément bon. Mais il y en a des enfants qui commencent jeunes dans des films que j'ai trouvé super bons. J'ai écouté Under the Bed au Fantasia, puis le jeune frère du héros est vraiment bon dans le film. Puis d'après moi, c'est pas une raison. C'est pas parce que l'enfant est jeune qu'il peut pas bien jouer. Tu sais, Drew Barrymore est bonne dans E.T., puis elle est très jeune, mais pareil, bonne. Là, sont vraiment pas bons. Et c'est vraiment ça qui blesse dans le film. Moi, j'ai eu de la misère à accrocher pour la simple raison que le casting est de mauvaise qualité, puis le scénario, j'ai pas lu le livre, fait que je peux pas faire la comparaison. J'ai l'impression qu'il y a des trous. Je trouvais que ça, c'était pas crédible, ça faisait aucun sens. J'aimais pas la réaction des personnages. Tu sais, les jeunes sont enfermés dans la chambre par la grand-mère. La mère est là à chaque fois, elle regarde, elle fait rien. À un moment donné, la grand-mère va péter une coche, elle va littéralement prendre la petite fille par les cheveux, la lever dans les airs de manière violente. Elle va gifler l'autre petit frère qui essayait de la mordre, puis la mère reste là, elle fait rien, comme si elle était inconsciente ou qu'elle s'en foutait, parce qu'elle, la seule raison pour laquelle elle est dans le manoir, c'est qu'elle veut absolument l'héritage de son père qui est en train de mourir. Puis c'est... J'arrivais pas à saisir ces personnages-là. Ils sont vraiment mal écrits dans le film. Je sais pas à quel point c'est supposé être vraiment pas fidèle au livre ou s'il y a des trucs qui se ressemblent, mais moi, j'ai vraiment trouvé que les personnages étaient très mal écrits et surtout mal joués. La seule que j'ai trouvée crédible, encore là, le monde crache sur elle, mais je trouvais que c'était quand même la moins pire du lot, c'est elle qui joue justement la grand-mère, qui est jouée par... C'est Louise Fletcher. Louise Fletcher, qui est vraiment détestable dans le film, puis je l'ai trouvé quand même correct. Là, c'est pas... Nurse Ratched de Vol au-dessus de Nid de Coucou. Non, mais c'est ça. Elle est aussi détestable que dans Vol au-dessus de Nid de Coucou. Mais elle était correcte, mais sinon, j'ai vraiment eu de la misère à saisir ce film-là. À aucun moment, les enfants tentent de s'enfuir. À chaque fois que la porte est entrouverte, ils essayent jamais de s'enfuir, puis ils réagissent bizarrement à cette espèce de huis clos-là. Tu sais, ils sont enfermés. À un moment donné, ils s'en vont dans le grenier, puis ça va comme devenir vraiment leur endroit qu'ils vont rester. Puis ils s'amusent à faire le ménage du grenier, ils chantent, ils sont comme quasiment heureux d'être dans le grenier pour faire du ménage de leur nouvel endroit. Puis je suis comme, vous êtes enfermés, votre mère est complètement crackpot, votre grand-mère est constamment violente avec vous, vous êtes obligés de manger, puis de dormir, puis tout faire dans la même pièce. Fait que, non, c'est vraiment un film, j'ai trouvé ça brouillon, c'est très brouillon, puis vraiment mauvais. Par contre, il y a quand même deux points positifs que j'ai appréciés dans le film. Un, il y a le magnifique soundtrack de Christopher Young, qui a fait le soundtrack de Hellraiser. Son soundtrack là-dedans, il est vraiment formidable, puis le thème du film est assez mémorable. C'est dommage que les images ne suivent pas avec. Et la réalisation du film est quand même pas trop mal non plus. On a des beaux plans, puis il y a une belle photographie. Il y a plusieurs plans de l'espèce de manoir à l'extérieur avec le brouillard, puis il y a quand même une bonne réalisation. Mais qu'est-ce qui est du casting puis du scénario? Le scénario, j'ai vraiment pratiquement pas compris grand-chose. J'ai vraiment trouvé ça bordélique. J'avais de la misère à saisir tout l'enjeu de ça, puis en même temps, je comprenais le côté soap parce que la version 2014-2015 a l'air d'être encore plus axée là-dessus. Là, on dirait vraiment un film dans le style de Les Feux de l'amour, ces choses-là, dans la manière que les personnages sont traités. Fait que ça m'intrigue de voir ça, mais j'ai vraiment pas trippé sur cette version-là de 1987. Si tu avais vu la vidéo de Sylvain, tu aurais été convaincu de voir la version de 2014, ça c'est sûr et certain. Puis tu aurais dit que la version 87 était à éviter, à part pour la photographie aussi. Mais... Ouais, ben c'est ça. Mais... Parce que la version de 87, comme je te dis, il manque un gros morceau à l'histoire, tu sais, puis c'est ça qui a un peu son intérêt. Tu sais, mais je me disais que, vu que j'avais pas lu le livre, ça aurait peut-être pas dérangé, puisque c'est pas nouveau, mais moi, globalement, je suis pas un gros lecteur, je lis pas vraiment les romans, fait que moi, je découvre les... Non, mais je l'ai pas lu non plus, là. Mais c'est ça, je découvre les films sans avoir lu les livres, puis globalement, j'aime bien les adaptations, alors que plusieurs qui ont lu les livres, ben, ils aiment pas les adaptations de films. Puis, tu sais, il y en a bien qui avaient été un peu déçus par le film The World avec Viggo Mortensen. Puis moi, j'avais pas lu le livre, puis je l'ai trouvé vraiment écœurant, le film. Fait. Du monde qui a été déçu par The Road. Ouais, il y en a qui trouvaient que ça manquait d'éléments du livre, puis pourtant, il y en a qui m'ont dit que c'était assez fidèle. Fait c'est que, très fidèle, à part pour un moment en particulier, mais c'est très fidèle. OK. Mais j'ai vu le film, après ça, j'ai lu le livre, puis les deux m'ont fait pleurer, puis les deux m'ont donné des frissons, puis tout. Là. Mais honnêtement, comme tu dis, même si l'élément qui a été enlevé serait présent dans ce film-là, le film ne serait pas meilleur pour autant. Parce que non, c'est déjà pas bon. C'est intéressant, puis c'est ça qui fait la base des autres suites aussi. Des suites, tu sais. Mais c'est drôle, parce que pourtant, derrière la boîte, ça le mentionne qu'il y a un élément qui a choqué la plupart, qui a choqué au-dessus de 85 millions de lecteurs. C'était pour vendre des cassettes, pour vendre des copies du... pas des cassettes, c'est un DVD, mais vendre des copies du DVD, tu sais. Ouais, mais dans quel intérêt si l'élément choc est même pas présent dans le film? Ben, on s'en fout, c'est si le monde a payé pour le film, ben, tu sais, tant que la copie est rendue dans les mains de la personne qui l'a acheté, tant mieux, tu sais, pour la compagnie, tu sais. Puis toi, t'as pas vu la version 1987? Non, puis après la vidéo de Steven, de Sylvain, ouais. Ça m'intéresse pas. Tu voudrais pas l'acheter? Je te le ferai à bon prix. $1, shipping gratuit. Non. Non, c'est pas un film vraiment que j'ai envie de revoir, forcément. Mais ça m'intrigue de voir la version 2014. Ben, c'est ça, je reverrai la version 2014 avant de voir celle de 87. T'sais. Sauf dans la manière que tu en parlais, la version 2014 a l'air d'avoir les mêmes défauts. Ouais, des meilleures actrices, en tout cas. Ben pourtant, tu avais l'air de dire que c'était assez désastreux. Oui, mais c'est de la faute à Sylvain, il m'a quasiment donné le goût de le revoir. Mais non, je ne le reverrai pas. Sylvain, là, c'est comme... comment il s'appelle? En tout cas, Sylvain, c'est un gars d'hypnose, OK? Puis ses vidéos, c'est comme son médaillon qui fait ça devant nous. C'est Mesmer. Dès que tu écoutes une vidéo de Sylvain, ben tu vas aimer le film. Fait, sais-tu quoi, Jeff? Tu vas réécouter sa vidéo sur P6, puis tu vas avoir envie de réécouter P6. Non? Excuse-moi, ok, j'avais fermé mon micro, oui, c'est clair. C'est sûr. C'est ça, il m'avait donné le goût de voir Pieces, tu sais, puis ça. Non. Ça a planté. Ça a planté. Mais ouais, ben, je vais aller tout de suite avec mon opinion de très, très rapide de la suite de Flowers in the Attic, Petals on the Wind. Quoi dire de Petals on the Wind? Ok, t'as écouté la suite, mon Dieu. J'ai écouté la suite, puis je vais aller voir les deux autres aussi qui restent. Il en reste deux autres. Mais que dire de Petals on the Wind? Oh, je sais pas quoi dire, c'est tellement mauvais. Sylvain m'en parlait, il dit... il m'a fait une citation, il m'a mis une quote du film sur Facebook en message privé, puis j'arrivais pas en tout à me rappeler. Tu sais, lui, il met la quote, puis il dit, c'est là que je tombe en amour avec la franchise. Puis moi, j'étais là, puis je me grattais la tête. Je dis, c'est dans quel bout du film, ça? Je m'en souviens pas en tout. Il fallait que j'aille chercher sur Internet, essayer de trouver la citation. Je l'ai trouvée, mais j'arrivais pas à la situer dans le film. Là, j'ai écrit, j'ai dit, ben, désolé, je m'en souviens pas en tout. Il dit, voyons, c'était le meilleur bout du film, puis tout. Je m'en souviens pas, je m'en souviens vraiment pas. Puis ça faisait même pas, ça faisait quelques jours que je l'avais écouté, puis je m'en souvenais pas en tout. Puis il m'a expliqué à la scène, j'ai fait, ah ouais, ok, c'est beau, là, je m'en souviens. Mais Sylvain, aimes-tu les films parce que c'est du so bad, it's good pour lui, ou c'est pour lui vraiment bon comme film tout court? Ça, c'est la question à 100 millions, je sais pas en tout. C'est pas clair dans son vidéo de 30 minutes? Ben, je sais pas, j'allais dire, tu connais mieux Sylvain que moi, je sais pas. Mais c'est parce que ils aiment vraiment d'amour ces films-là, je pense, de la manière qu'ils en parlent. Non, mais c'est vrai, il a vraiment l'air d'en parler comme amour, mais normalement, il fait ça aussi avec The Room, puis The Room, c'est du so bad is good, et non parce que The Room, c'est bon. Fait que ça m'étriait de voir s'il voyait vraiment Flower and the Attic comme il ça. Il a vraiment aimé le jeu des actrices, surtout de Heather Graham. Moi, j'ai pas du tout aimé, mais je la trouve vraiment qu'elle exagère, puis je comprends ses arguments, mais moi, j'accroche pas, mais... Bon, gars, le DVD est 7$ au HMV, je vais aller me le chercher. Je vais le chercher demain. Je reviens dans le prochain Time Out avec cette version-là. Puis, en tout cas, bientôt, je vais essayer de voir les deux autres. Puis, mais tu sais, c'est ça, j'ai fini le deuxième, puis ma première réflexion, ça a été fait, oh, il me reste encore 3 heures de ça à regarder, tu sais, avec les deux autres films, tu sais, une heure et demie de chaque. Ah, oh, merde. Mais je sais pas pourquoi je voulais regarder, je sais pas pourquoi, en fait. Je suis juste curieux de savoir la suite, mais j'ai pas envie de lire les romans. T'sais. Mais fait que c'est ça. Petals on the Wind. Regardez les vidéos de Sylvain s'il finit par les remettre en ligne, parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, selon moi. T'as-tu lu les livres? Non, c'est ça, j'ai pas lu les livres, puis je veux pas les lire. C'est pour ça que je veux voir les films. Je veux connaître la suite de l'histoire. OK. Mais t'es-tu intéressé à lire les livres par la suite? Non, c'est ça. Ah, OK, tu veux rien savoir. Non, c'est pour ça que je veux connaître la suite de l'histoire dans les films, mais je veux pas me... Non, mais c'est ça, je veux savoir si tu vas lire les livres après avoir vu les films. Non, c'est déjà trop. Là. C'est, okay. c'est, ça serait vraiment trop de temps accordé à cette franchise-là. Là. J'ai pas assez de temps à perdre. Là. Je vois ça, t'as fini avec Pétale, là. T'as pratiquement rien dit, mais sur le film. J'ai rien à dire sur le film. C'est la continuation des histoires de Christopher et de sa sœur. Comment est-ce que ça s'appelle? Carrie? Non, comment Carole. Ça mais moi, j'ai tout le temps Carole en tête, mais... En tout cas, elle. Ouais. Puis, c'est ça, ils vivent des... ils ont chacun... Ils tombent tous les deux amoureux d'une autre personne, mais en fait, ils sont pas vraiment amoureux. Je veux dire, ils se ramassent tous les deux dans une relation de couple, mais ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, fait que ça complique les choses. Puis, il va y avoir toutes sortes de revirements de situation et de surprises jusqu'à la toute fin. Fait que, c'est ça. C'est un gros soap. OK. Moi, ça me décourage. En même temps, je suis curieux de voir le reste. C'est ça, t'en parles tellement avec aucune passion. Genre, je m'en calisse, c'est de la merde, mais j'ai envie de continuer pour savoir. Puis l'élément, la personne qui m'intéressait dans le premier film, qui est la petite actrice qui joue dans Mad Men, ben, elle n'est pas dans le deuxième. Parce que là, les personnages ont vieilli puis ils ont changé d'acteur. Il y a juste Heather Graham et Ellen Burstyn qui reviennent. Puis sinon. Ça coûte que tu l'écoutes vraiment par pitié, dans le fond. Ouais, c'est ça, tu sais. C'est exactement ça. Non, je l'écoute, c'est ça, parce que je suis curieux de voir la suite de l'histoire, mais je ne veux pas lire les livres. OK. C'est cela. Après deux mauvais films, moi, je vais y aller avec un plus positif. J'ai écouté Lust After Dark, un film que j'ai acheté la semaine passée, qui est disponible depuis pas longtemps, distribué par Anchor Bay. Quand on regarde la jolie pochette, c'est vraiment... une affiche digne des années 80, ce qui est vraiment le but. Et t'as vraiment l'impression que c'est un slasher qui sort des années 80. C'est ça, ma question, quand j'ai vu la pochette, c'était c'est-tu récent? Oui, c'est un film qui est vraiment sorti cette année. Et tu sais, le tagline, c'est vraiment comme. Ça dit vraiment comme si le film aurait été tourné des années 80, c'est vraiment bien fait, vous allez y croire, tata. Et moi, j'ai vraiment adoré. Parce que ça m'a vraiment rappelé quand j'étais jeune, je m'amusais à aller au club vidéo, je regardais les VHS, puis là je tombais sur une pochette vraiment cool comme celle-ci. Puis là t'étais comme waouh, le film doit être vraiment sanglant, ça va être tout. Puis finalement, ben le film était toujours moins bon que la pochette, mais tu sais, c'était quand même nostalgique, on a retrouvé les mêmes clichés, puis les mêmes péripéties qu'on voit dans la plupart des slashers depuis qu'on avait découvert Friday the 13th. Et là, Lust After Dark, c'est exactement ça. C'est un film qui paraît moins bien que sa pochette, mais c'est voulu. Et le côté années 80 est vraiment bien fait. Parce que s'il y a une chose que moi, ça m'énerve dernièrement dans les films hommages, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire un film hommage de manière sérieuse. Il faut tout le temps que ce soit de manière parodique. On va rendre les clichés plus gros, on va en rire, puis on va faire en sorte que ça soit le fun. Puis je trouve que c'est rarement respectueux envers le genre qu'on aime. Et ce réalisateur-là a décidé de faire un slasher qui se passe en 1980, mais que tu as vraiment l'impression qu'il se passe en 1980, qu'il a choisi un casting, tu sais, qui n'a pas juste coiffé leurs cheveux pour que ça aille l'air années 80, mais qui ont vraiment le style facial. Ils ont vraiment l'air des jeunes qui sortent des années 80. Il a magané un petit peu le fil de manière un peu digitale. C'est pas comme Greenhouse non plus, c'est pas très naturel. Mais tout est super bien dosé. Rien est trop gros. Je veux dire, même le côté visuel du film, il essaie pas tant que ça d'en mettre puis de dire « Vous regardez vraiment quelque chose de rétro. » Le réalisateur, je trouve qu'il arrive à bien doser le tout. Même l'humour, il y a un petit peu d'humour dans le film, mais encore là, c'est super, super bien dosé par certains dialogues. Certains dialogues sont vraiment... vraiment drôle sur le coup, sans que ça soit vraiment trop comédie ou absurde. Et j'ai vraiment aimé ça, puis je trouvais que c'était vraiment respectueux. J'avais vraiment l'impression de regarder un slasher que j'aurais retrouvé de nos jours, qui daterait des années 80. Le film est traité avec sérieux. L'histoire est quand même pas si pire pour le style de film. Je veux dire, c'est un slasher typique, rien d'original. Ça va être une gang de jeunes qui, durant un bal, vont voler un autobus, puis vont décider d'aller... rejoindre une vieille cabane d'un des jeunes qui a volé les clés de son père, puis ils ont décidé d'aller passer la fin de semaine-là, d'aller faire une party, mais l'autobus va tomber en panne en plein milieu de route. Puis sur la route, ils vont tomber dans un boisé sur une vieille maison puis, qui appartient à un dénommé Junior Joanne. Puis il y a une grosse histoire derrière ça, comme un peu à la Jason. Là. Puis là, il y a un des personnages qui connaît son histoire et qui va nous raconter c'est quoi son passé, mais que dans le fond, c'est juste une légende urbaine. Mais finalement, le tueur va être là encore dans la maison puis il va s'attaquer aux jeunes. Mais j'ai vraiment eu du plaisir. C'est pas un grand film. Ça, justement, ça essaie pas d'être un grand film. Ça essaie juste d'être une déclaration d'amour puis un hommage au genre avec respect. Puis j'ai vraiment trouvé que le réalisateur a bien fait ça. Les jeunes, en tant que tels, sont vraiment bons. C'est pas des bons acteurs, mais... Pas des bons acteurs. Attends, je vais me fourrer. Je veux pas dire ça. Ce sont des... J'ai trouvé les jeunes, c'était des bons acteurs, mais des bons acteurs pour jouer des jeunes... d'un slasher des années 80. Ils l'ont vraiment bien. J'avais vraiment l'impression de voir un groupe de jeunes qui sortaient de ces années-là. Je trouvais qu'ils avaient bien leur mimique. T'avais comme là-dedans le footballeur typique. T'sais, t'as les clichés, t'as le noir, le gars football qui sort avec la petite blondinette. Le gars de football, il avait vraiment l'air d'un jeune John Cusack. Puis il avait vraiment les mêmes petits tics des jeunes des années 80. Puis il l'avait vraiment bien. Puis c'était des petits détails comme ça. Je trouvais que ça rajoutait au film. Puis ça donnait un côté un peu plus crédible. Puis c'est vraiment drôle là-dedans parce que le professeur, le directeur d'école, il est joué par Robert Patrick. Puis lui, il va découvrir que les jeunes ont volé l'autobus, puis il va juste les poursuivre, comme le T-1000 à travers le film, assez des heures trouvées, puis en lançant toutes sortes de répliques. Puis lui, il se promène dans sa transam, puis il fait juste écouter du disco tout le long dans sa transam. Puis je trouvais ça tellement drôle. Son personnage est vraiment le fun aussi, j'ai vraiment eu du plaisir. Même les meurtres, les slashers de nos jours ont tendance à juste y aller dans la surenchère, le gore. Tu sais, t'écoutes Hatchet 2. Entre les meurtres, tu t'emmerdes, puis le seul but, c'est juste de t'offrir du gore. Tandis que là, After Dark, entre les meurtres, tu t'emmerdes pas trop parce que tu as un côté nostalgique qui est là, puis tu as l'impression vraiment de retrouver ce que tu aimais, ce qu'on aimait de nos clichés, parce que c'est pas fait pour tout le monde, mais moi, j'aime ça, les clichés d'un slasher. Il y en a pour qui ça va emmerder. Moi, j'aime ça, ces vieux clichés-là, puis je trouve pas ça long, j'aime ça. Et encore là, je trouvais que les meurtres dans le film sont subtils, comme un Friday the 13th, ça sombre jamais dans le gros gore qui tâche, mais suffisamment intéressant pour par moment te laisser sur ton bout de ton siège. T'as une scène avec un verre brisé, puis un œil, une éclosion d'œil, un peu comme dans Zombie de Lucio Fulci avec la fille sur le bord de porte. Puis ça avait vraiment une efficacité. Je me suis crispé un peu les doigts. J'étais comme « Ah! » L'effet était vraiment réussi. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un bon slasher de nos jours qui était de très bonne qualité, qui faisait son côté rétro. Puis c'est vraiment un réalisateur à suivre parce qu'il y a vraiment un flair pour son côté visuel. Et c'est drôle parce que tout ce que je viens de dire, c'est un peu le contraire que ce que Danny Champagne d'Horror Web a parlé. Lui, il trouvait justement que le côté visuel puis rétro n'était pas réussi, que l'atmosphère années 80 ne fonctionnait pas, alors que moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé que l'atmosphère 80 était très réussie, puis c'était la plus grande qualité du film. Fait que c'est un petit slasher que je recommande fortement aux amateurs qui sont en manque des bons vieux slashers classiques qui vont avec les clichés. Tu sais, il n'y a pas de grande surprise dans le film. Mais si vous avez envie de retrouver un peu les Friday the 13th de l'ancienne époque, mais vous risquez d'être comblé avec ce Lust After Dark. Ma question, ce serait, on n'est pas un peu tanné des films qui font tout en référence aux années 80 et qui essaient de faire un pastiche des années 80 ou même si c'est oui. Un bon film, même si tu trouves que c'est un bon film. Les films à la The Guest, même si j'ai vraiment adoré The Guest, depuis Drive, tous les films tentent d'avoir ça avec un soundtrack synthétiseur puis un aspect visuel très années 80 avec de la musique toujours années 80. Je dois t'avouer que je commence à en avoir un peu ma claque, même si j'ai adoré The Guest. Mais dans Lust After Dark, comme je te dis, c'est tellement pas gros, c'est tellement bien dosé à petite dose sur tous les aspects que moi, ça ne m'a pas gêné une seule seconde. Même le côté greenhouse, à un moment donné, durant le film, tu as la bobine qui va littéralement déchirer puis va manquer une scène du film littéralement. Encore là, c'est le genre de truc que je serais écœuré parce que je suis vraiment tanné de l'aspect greenhouse. Surtout avec les Machete Kill, moi, j'ai vraiment pas trippé. J'ai trouvé ça mauvais puis j'étais vraiment écœuré de l'aspect greenhouse. Mais je trouve que le réalisateur arrive à bien doser au point que ça nous achale pas. Moi, personnellement, ça ne m'a pas achalé. Fait que je trouve que pour ce film-là, ça fonctionne même si... Je suis d'accord avec toi. J'étais un petit peu blasé de ce genre de film-là qui tente trop de revenir en arrière puis de tout le temps recréer l'effet de nostalgie, tu sais, de faire en sorte qu'on va apprécier le film juste parce que c'est nostalgique, mais en dehors de ça, le film n'est pas forcément bon. Parce que tu sais, un bon slasher, c'est pas obligé d'être seté dans les années 80 puis d'avoir le look des années 80. Là, tu sais, c'est pas c'est peut-être la grande période que les gens adorent le plus là, pour ce genre-là, mais c'est pas obligé d'être dans cette période-là. On pourrait créer des œuvres de nos jours, tu sais, puis... Mais avec la relecture de The Town That Dreaded Sundog, qui est pour moi un des meilleurs slashers des 10 dernières années, c'en est un exemple qui tente pas de recréer un slasher années 80 forcément. Là. Il garde quand même un petit côté moderne malgré son côté très difficile. Il y avait un petit look rétro, là, je trouvais, là, non? Il y avait un petit look rétro un peu. Oui, il y a un petit look rétro, mais encore là, je trouve pas que ça l'essaye tant que ça d'être un hommage puis d'y aller un peu trop fort dans le rétro. Mais un slasher moderne, slasher moderne que j'ai vraiment beaucoup aimé, là, c'est la série Scream qui vient de finir à MTV. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est juste pour dire rapidement, je l'avais parlé, là, mais la finale, ça s'est terminé. Puis je sais que tu t'es fait spoiler sur Facebook. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis la photo du tueur alors que j'ai même pas commencé la série. Mais dans l'ensemble, la saison, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Puis je trouve qu'ils ont réussi à faire en sorte de mettre un slasher sur la durée d'une série de 10 épisodes. Tu sais, puis j'ai très hâte à la deuxième saison. Puis c'était toutes des références culturelles de 2015. C'était un look de 2015. Il y avait différents réalisateurs. Je sais que Ty West a réalisé un épisode, puis il y avait différents réalisateurs. Puis il faisait des références aux années 90, à l'époque des films, même s'ils ne font pas référence aux événements du film, mais ils font référence à l'époque un peu. Mais ça reste quand même très, très contemporain avec les téléphones cellulaires et tout. Il n'y a pas besoin de retourner tout le temps en arrière puis d'être rétro. Mais c'est parce que je trouve que dans la plupart des slashers qu'on a eu dans les dernières années, c'est pas mal tous des slashers assez modernes qui, comme je te dis, qui tentent d'y aller un peu dans la surenchère puis dans la comédie à profusion avec du gros gore. C'est, on dirait que c'est quasiment un défi d'essayer de faire les meurtres les plus gore puis les plus marquants qui se concentrent juste là-dessus. Alors que des fois, tu peux y aller juste dans la simplicité. T'as pas besoin de forcément offrir juste une panoplie de litres de sang puis juste y aller avec un slasher de base très classique. Puis moi, ça m'a juste satisfait parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu un slasher de même. Tu sais, c'est juste simple, puis j'ai eu du plaisir à retrouver ce que j'aimais de la série Friday the 13th. Puis de nos jours, je trouve que les réalisateurs s'éloignent un peu de ça, puis ils tentent trop d'essayer de miser que sur les effets pratiques et sur le gore, puis sur l'humour. La plupart des slashers de nos jours sont pas sérieux, sont tous humoristiques. Tu sais, Hatchet 1 fonctionne, c'est correct. Mais tu regardes Hatchet 2, Hatchet 3, c'est mal dosé, puis c'est vraiment raté. Puis encore là, ce sont des films qui misent que sur son gore. Puis je trouve qu'on a perdu un peu l'essence de ce que j'aimais, moi, des slashers. Puis avec Lost After Dark, je trouve qu'on en retrouve un peu ça, puis ça fait du bien dans la vague de films qu'on a eu dernièrement. OK. Ben, ça m'intéresse quand même de le voir. Tu m'as donné le goût de le voir quand même. Il va probablement être sur Netflix US, fait que tu auras juste à vérifier. D'accord. Puis ben, on a Sylvain qui vient d'arriver, puis ben, il vient de se faire répondre, mais c'est ça. Il demandait si j'avais déjà bâché Creep et Petals on the Wind. Juste Petals on the Wind, pas encore Creep. Moi, j'ai déjà parlé de Flower and the Attic, Sylvain, mais tu pourras le revoir au début de toute façon. Mais apparemment, ce que j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai pas aimé ressemble à peu près à ce que tu disais toi. Puis Sylvain, j'ai mentionné ça, mais tu réécouteras, mais tu écouteras Lost After Dark, petit slasher classique que j'ai beaucoup apprécié. Écoute pas Danny, il n'y a pas rapport, qu'il reste avec son mock. Avec quoi je vais continuer? Ben, tu pourrais peut-être y aller avec Creep, là, vu que Sylvain vient d'arriver, là, il y avait tellement hâte. Je suis nerveux de parler de Creep. On va en discuter, ça va être le fun. Puis sois franc, vas-y, laisse-toi aller. Puis, OK, ben Sylvain voulait absolument que je voie le film, puis il en parlait depuis très longtemps, il a parlé à tout son entourage, il en a parlé sur... Ils ont fait un épisode du dernier podcast sur la gauche là-dessus, que j'ai pas écouté avant de voir le film. En fait, j'ai juste écouté la première partie de l'épisode et non pas la partie sur le film, parce que je voulais pas rien me faire spoiler. Le film Creep est sur Netflix, donc il est très facile à trouver. C'est avec Marc Duplass, un acteur que j'aime beaucoup, qui est aussi un auteur... peut-être même un réalisateur, je ne suis pas sûr. Mais c'est un auteur qui a écrit plusieurs films et plusieurs et au moins une série, la série Togetherness que j'ai adoré cet hiver. Et donc, c'est ça, Creep, c'est un fan footage d'un gars qui se fait engager par Marc Duplass pour le filmer à tout bout de champ, 24 heures sur 24 quasiment, pour la postérité, pour son fils, en fait, qui n'est pas encore né, un peu comme dans le film My Life de Michael Keaton. Et... non, c'est ça, je m'excuse, Sacco, je vais essayer de ne pas spoiler, merci de m'avertir. Fait que c'est ça la prémisse, en gros. Ça va être dur d'en parler sans spoiler. Ça va être ouais, très, ouais, c'est sûr. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on. Faire un signal visuel, tu sais, genre, une fois qu'on a fini d'en parler, on va faire des. Bye bye, là, vous pourrez enlever de sur mute, là, tu sais, ou quelque chose comme ça. C'est quand même compliqué, mais. Parce qu'on ne peut pas vraiment en parler sans le spoiler. Il y a des parce que c'est le genre de film que vous devez absolument voir sans rien savoir, pantoute, mais vraiment rien. Là, c'est, regardez pas de, ouais, de trailer. Juste la prémisse que j'ai dit là, c'est correct, là, ça spoil rien. Là. Non, non, c'est ça, mais globalement, c'est quasiment mieux de le voir vraiment sans rien entendre. Mm-hmm. Fait que je sais pas quoi dire. Fait que. ça coupe et mêlé sur mute, je sais pas, ou quitte. Ouais, c'est ça, mais il est sur mute, puis mec, JF a fini d'en parler avec Spoiler, il va faire un signe. Non, oui, c'est grave, oui, c'est grave, faut pas que tu le vois avec Spoiler. Fait que dans le fond, c'est ça, spoiler alerte pour Creep. Non, en fait, je sais même pas comment en parler. J'ai embarqué dans le film au point où j'étais stressé par moments, mais à la fin du film j'étais déçu parce que je trouvais que c'était qu'il manquait quelque chose puis que c'était juste trop simple pour moi, puis je trouvais que je sais pas, il manquait quelque chose là. J'étais pas impressionné. J'avoue que Marc Duplass est très bon dans le film, mais c'est pas mon film préféré de lui. Puis, c'est pas non plus la. Je me souviens même plus si c'est lui qui l'a écrit, mais. Avec le réalisateur, je crois. OK, mais c'est pas sa meilleure chose qu'il a écrite, selon moi. Je trouve qu'il est capable de faire mieux que ça. Puis, toute la passe du masque de loup, moi, ça m'a pas fait peur. Je m'excuse, Sylvain, mais ça m'a vraiment pas. J'ai trouvé ça plus drôle qu'autre chose, là. Ça m'a vraiment pas dérangé. Mais je pense que c'est ça. Je préfère les films d'horreur. Avec... Moi, les choses qui vont me faire peur, c'est des trucs genre de fantômes, d'apparitions, des found footage avec des un asile avec des gens qui c'est des trucs en tournée de nuit avec le truc vert l'écran vert puis night vision puis tu vois des apparitions de soit de fantômes ou peu importe, ça va me faire peur, ça va me donner des cauchemars puis tout. Mais un gars que au pire tu peux juste pousser, tu peux juste fesser, tu peux frapper avec un marteau, peu importe, ou droguer comme dans le film, tu sais. Ben, c'est ça. Moi, ça me dérange, ça me fait pas peur vraiment. Puis, c'est juste moi, là, personnellement, tu sais. J'ai été déçu. J'étais à la fin du film, j'étais comme, bah, tu sais, c'est juste ça. Puis, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en fait? Je cherche mes mots, là, mais. Ben moi, personnellement, j'avais vraiment adoré parce que de un, je connaissais pas la prémisse. Je connaissais rien du tout. Je savais juste que Sylvain m'en avait parlé vraiment bien. Moi, j'ai vraiment adoré parce que, premièrement, c'est pas un fan footage qui va forcément dans le classique puis les clichés. Là. Déjà, en partant, on n'est pas avec une gang de jeunes. On est avec deux adultes, seulement deux personnages qui vont être ensemble. Et la prémisse de base où que le gars va l'engager pour qu'il filme des genres de souvenirs pour son futur enfant qui n'est pas encore né parce que lui va être mort. Je trouvais que ça rajoutait une touche d'originalité. Et je trouvais justement que le côté fun footage s'amusait pas à aller dans la facilité puis s'amusait à nous brouiller un peu les pistes. Moi, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Non, en même temps, il nous fait beaucoup de jumpscare cheap un peu. Là, cheap, mais sans vouloir forcément juste répéter qu'est-ce que Sylvain disait, ça, en même temps, sont justifiés parce que je trouve que ça marche avec la personnalité du personnage, avec son état d'esprit. Fait que je trouve qu'en tant que tel, ça fonctionne là. C'est sûr que c'est des jumpscares faciles, mais ça va avec le personnage, je trouve. Ça m'a pas, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Mais, tu sais, comme par exemple, à un moment donné, ça m'a fait une randonnée dans les bois puis pour aller à la recherche d'espèces de ruisseaux en cœur. Puis là, tout au long du chemin, ils essaient de retenir le chemin, puis rendu au bout, quand ils ont visité tout leur cœur, mais là, ils vont commencer à dire, je me rappelle plus pantoute par où qu'on a passé. Puis là, je me dis, ah, OK, ouais, là, je sais aussi que ça s'en va, ils vont se perdre en forêt, puis là, ça va se tourner en genre de survival ou quoi que ce soit. Non, au moment où ils décident de repartir, la caméra coupe, ils sont directement dans le café avec la crêpe. Ça, c'est des moments, je trouve, que le réalisateur s'amuse à nous faire croire qu'on va s'en aller dans une direction facile, qu'on connaît du fan footage, puis il s'amuse à juste passer par-dessus. J'ai trouvé ça intéressant. Puis les meilleurs moments du film qui sont stressants et qui fonctionnent, je trouve, c'est tout le temps les dialogues puis les moments entre les deux personnages. Marc Duplass arrive vraiment à mettre mal à l'aise. C'est pas un film qui va forcément effrayer. Je pense qu'il y a une scène qui arrive vraiment à effrayer. Mais c'est plus des scènes qui mettent mal à l'aise. Puis moi, je trouve que ça a fonctionné. T'as la grosse scène dans le bain, la première scène qu'on va voir qui va filmer Marc Duplass dans son bain, qui fait semblant de bercer puis de prendre, donner le bain à son bébé. Au début, tu dis « OK, ouais, c'est cute, qu'est-ce qu'il veut faire? » Mais la scène a fini par devenir malaisante. Et encore là, je savais pas trop dans quelle direction le film allait s'en aller. Fait que je trouvais que ça fonctionnait bien. Puis même chose pour la scène du restaurant où que Marc Duplass va demander au gars de rencontrer une histoire malaisante qui est arrivée dans sa vie. Puis quand c'est le tour à Marc Duplass de rencontrer la sienne, encore là, moi, je l'ai pas vu venir. Puis je trouvais que ça fonctionnait. Encore là, je me mettais mal à l'aise. Puis je trouvais que la plupart des réactions du personnage principal étaient crédibles. Moi, je me dis « OK, ouais, j'aurais réagi comme ça ». Ah ouais, il me tapait ses nerfs parce que je serais parti depuis tellement longtemps à sa place. Là. Oui, mais c'est parce qu'à chaque fois que le personnage de Marc Duplass fait de quoi que tu dirais « Non, il y a quelque chose qui te lâche, je viens pour m'en aller », mais on dirait qu'il fait d'autres choses pour te ramener sur le droit chemin en même temps. Tu es comme ah, « OK, bon, et soit qu'il niaise ou soit qu'il fait un peu pitié. » Fait que moi, je marchais un peu des deux bords. La part où le personnage principal dit « Moi, il faut que je m'en aille ce soir, puis je vais être de retour demain ou peu importe. » Puis chose, il te convainc de rester. Puis c'est après ça que le personnage principal va le droguer, tu sais, toute cette soirée-là. Je serais tellement parti, moi, de toute façon. Là, j'aurais fait « Non, non, regarde, fuck off. Là, moi, je m'en vais, je suis fatigué. Puis je prends pas un autre verre. » Ben, je pense que ça va dépendre de chacun des personnes. Je pense qu'on pourrait pas toutes réagir de la même manière. Tu sais, ça, c'est le genre de truc des fan footage que des fois, je vois du monde dire « Est-ce que la réaction du personnage est stupide? » Mais moi, en même temps, des fois, je me dis « Ben, pas tant que ça. Moi, je sais pas comment j'aurais réagi dans cette situation-là, puis peut-être j'aurais fait ça. » Enfin, je pense que ça dépend. Juste que moi, ça me frustrait, là. C'est comme « Mais va-t'en, tu sais, va-t'en. » Mais il n'y avait pas ces clés, je comprends, là, mais en même temps... Mais pas ces clés. À un moment donné, Pitchfuzz est devant la porte. Ça, c'est la seule scène du film que je peux dire que moi, ça me... J'étais sur le bout de mon siège. Là. J'ai vraiment eu un moment de stress et de peur. C'est lorsqu'il est devant la porte en Pitchfuzz, en train de bouger. Après, son masque est tellement ridicule. Son masque est quasiment drôle, tu sais. Pour moi, en tout cas, là. Puis le nom, tu sais. Ben, c'est ridicule, mais c'est qu'est-ce qu'il en fait avec? Je trouve qu'il fonctionne. Tu sais, la première fois que tu vois le masque et qu'il commence à faire sa petite chanson avec Pitchfuzz, du coup, t'es comme c'est bien ridicule, mais en même temps, encore là, c'est une histoire malaisante. Encore la scène où il va raconter toute l'histoire par rapport au masque et à sa femme qui a été violée. Toute cette scène-là en noir est complètement dans le noir parce que l'autre va juste fermer la lentille de sa caméra. Encore là, ça fonctionne au bout parce que moi, je me suis juste mis à m'imaginer la scène avec le masque de Pitchfuzz puis tout ce qu'il racontait. Fait, encore là, moi, j'arrivais à me créer une scène horrifique avait envoyé absolument rien. Je trouvais que c'était encore une fois une bonne idée du réalisateur. Puis je trouve tout au long du film, il y a des bonnes idées comme ça. Il y a quelques clichés par moment, mais ça ne m'a pas gêné. La deuxième partie, encore là, je trouvais qu'il y a des bonnes idées. Le moment que tu penses que le personnage principal est décédé parce que la caméra continue de filmer, filmé, puis tu vois juste Marc Duplass qui est en train de monter un sac de poubelle sur une colline, t'es sûr que c'est le personnage qui est découpé en morceaux, puis ensuite ça fait pause. Encore là, je trouve que c'est une excellente scène qui m'a eu. Moi, je trouvais que c'est un bon tour de magie que le réalisateur a fait pour berner le spectateur. Puis encore là, la scène finale, moi, j'ai vraiment adoré la scène finale parce que, encore là, autant ça pourrait être stupide que le personnage décide de retourner voir le personnage de Marc Duplass après tout ce qui est arrivé, autant je comprends la pitié qu'il y a envers son personnage. Puis, tu sais, on ne sait pas s'il est réellement dangereux. Tu sais, même le moment que sa sœur l'appelle pour lui dire de sortir de la maison, tu sais, je veux dire, si le gars il aurait été si dangereux que ça, il ne serait pas en liberté forcément, puis sa sœur, elle aurait fait de quoi, je veux dire. Fait qu'on vague entre les deux. Le gars, il est vraiment dérangé, il a un problème, puis il est en train d'y demander de l'aide. Fait que, sur le coup, est-ce que j'aurais eu suffisamment pitié du personnage pour me rendre à cet endroit-là, qui est un lieu public, comme il mentionne, puis pas me dire que je vais être en danger, ce que le personnage fait? Puis malheureusement, ça tourne pas super bien, mais encore là, moi, j'ai trouvé que c'était crédible, c'est un fan footage crédible que j'ai cru et que je me suis immergé, à part peut-être les 10 dernières secondes qui sont pas forcément nécessaires. Non, ce sont pas nécessaires. ça n'apporte rien. Mais la scène finale dont tu parles, tu sais, oui, je dis pas qu'il n'y a rien qui n'est pas crédible, juste que moi, comme je te disais, ça me frustre, puis ça me frustrait que le gars décide de s'asseoir sur le banc puis ne regarde pas derrière lui. Moi, si j'attends quelqu'un, là, je vais être debout, ou bien je vais, au pire, je vais peut-être m'asseoir, mais je vais regarder partout, je vais être impatient, je vais tout le temps regarder, bon, il s'en vient, dans quelle direction qu'il va s'en aller, qu'il va s'en venir, tu sais. Le personnage de Marc Duplass, il mentionne justement quand il revoit la vidéo, puis il dit qu'il a fait une erreur stupide en restant assis puis en ne regardant même pas derrière lui, puis son erreur, c'est juste d'y faire confiance. Il a juste fait confiance au personnage de Marc Duplass. Ouais, il est trop... il fait trop confiance facilement. C'est ça qui me frustrait. Puis, mais c'est pas juste ça, c'est le film en tant que tel ne m'a pas plu tant que ça, là, mais... C'était pas dans mes cordes. T'sais, moi, comme je te dis, je préfère. Ce qui va me faire peur, c'est des trucs plus naturels. Là, ben, c'est une question de goût aussi. Oui. Puis, non. Marc Duplass, il est très bon. Là. Je dis pas qu'il est pas bon, là, mais je l'ai préféré encore dans The One I Love ou dans Togetherness ou d'autres affaires que j'ai vues. Mm-hmm. Là. C'est ça. Désolé, mais. On fait signe pour. Ouais, j'ai fait signe. Fait que, ben c'est ça, fin des spoilers. je suis pas le plus grand fan de Creep. Mais je respecte l'opinion de tout le monde. C'est pas, okay. Sorry, je m'amusais à aller les commentaires. Je voulais voir. Ouais, c'est ça, tu m'écoutes plus ou je m'en vais. Mais je m'attendais à ce que t'aimes un peu plus que ça, le film. Mais c'est drôle, en ayant eu l'impact que j'ai eu en voyant le film, que j'ai quand même beaucoup apprécié, je suis pas prêt à dire que c'est le film d'horreur de l'année, puis j'irais peut-être pas avec un 5 sur 5 comme Sylvain, mais je m'attendais à ce que les gens apprécient plus, parce que ça fait du bien un fan footage qui s'amuse pas à juste nous ressortir la même recette qu'on voit habituellement, puis quand t'écoutes le podcast qu'il y a eu sur Horror Web, ben c'est quand même mitigé, c'est pas tout le monde qui a la même opinion que Sylvain, puis ça me surprend, parce que je trouve que ça fait quand même du bien comme fan footage de voir quelque chose qui s'amuse à offrir de quoi d'un peu plus original que la moyenne. Ouais, mais je trouvais ça un petit peu trop simplet, mais en tout cas. OK, fait que continuons avec... Okay. As-tu d'autres choses? Moi, j'ai vu le nouveau Polystory Lockdown qui est sorti il n'y a pas longtemps ici, mais le film est disponible en Chine depuis 2 ans. Ça s'appelait Polystory 2013. Mais ici, on a décidé de l'appeler Polystory Lockdown pour X raisons. Et j'étais pas si pressé que ça de le voir parce que j'étais un gros fan de la série. Les deux premiers Polystory, c'est pour moi parmi les meilleurs films d'action qui a été fait. Et Polystory 1, c'est le meilleur film de Jackie Chan à mes yeux qui montre tout son talent en termes de gars d'humour et d'action et de cascade. Tout est super bien mélangé là-dedans. Et Polystory, celui-ci, était plutôt mal... Il divisait pas mal le public. Et je crois que le plus gros problème qu'il y a eu avec ce film-là, c'est que ça s'appelle Polystory. Parce que c'est pas un Polystory. Le film n'a rien à voir avec la série. Il n'y a pas de personnage qui revient. Il n'y a vraiment aucun lien. Le seul lien qu'on pourrait faire, c'est juste une histoire de police puis Jackie Chan joue un policier. Mais ça n'a vraiment aucun rapport. C'est juste un gros huis clos qui va se passer dans un club parce que Jackie Chan est un policier. Il va aller rencontrer sa fille qui sort avec le propriétaire du club, puis Jackie Chan n'apprécie pas parce que le gars n'a pas forcément une bonne réputation. Puis finalement, le gars du club va prendre Jackie Chan en otage, puis plusieurs personnes du public précisent qui ont été invitées que le gars voulait absolument prendre en otage. Et tout le film va se passer seulement à l'intérieur. Il n'y aura pas beaucoup de scènes d'action. C'est vraiment un thriller. Et ça va rester très mystérieux. On va essayer de comprendre pourquoi le gars veut les prendre en otage. Puis tu vois que le gars, il a une idée derrière la tête, qui s'est passé un événement tragique, qui semble relier tous ces personnages-là. Et ça va prendre, malheureusement, 1h10 avant que le film finisse par commencer à dévoiler son intrigue comme ça avec les autres personnages, puis à voir qu'est-ce qui va relier, à connaître les histoires entre tous ces personnages-là. Et c'est ça qui est intéressant dans le film. Mais malheureusement, la première heure est longue parce que ça va juste être Jackie Chan qui va réussir à s'évader, qui va se promener un petit peu dans le club, qui va essayer de prendre contact avec des policiers à l'extérieur, puis essayer de créer une tension de suspense qui est pour moi mal gérée. Je ne me suis pas senti impliqué puis je n'ai pas trouvé ça vraiment intéressant. Surtout que le film est plombé par des flashbacks inutiles qui servent juste là à rajouter un rythme au film parce que tous les flashbacks, c'est juste des scènes d'action assez courtes qui à la base, sont quand même un peu efficaces, mais qui servent à rien. C'est vraiment comme on va mettre des flashbacks d'action pour essayer de donner du rythme au film, puis c'est tout. Fait que pour moi, je trouvais que ça n'apportait absolument rien à l'intrigue. Mais après 1h10 de film, malheureusement, là, l'intrigue commence à être intéressante. Et on a un gros flashback qui va nous montrer en détail toute l'histoire de chacun des personnages qui sont pris en otage par rapport au vilain du film. Puis on va voir parfois des versions différentes. On va nous montrer la version que l'un des personnages va raconter, mais c'est pas forcément la bonne. Puis on va voir plusieurs versions comme ça, puis je trouvais ça vraiment bien. C'est comme là, ça devient intéressant. Et malheureusement, après, on arrive avec le dénouement final, le twist de pourquoi tout ça arrive, qui est vraiment simpliste, puis qui sert pas à grand-chose. Et qui, bout du compte, déçoit. Et c'est un film vraiment banal. Je dirais pas que j'ai autant détesté que les autres, parce que je me suis déjà brainwatché, que je regardais pas un polystory. La qualité principale que je dirais du film, c'est que c'est un film noir, qui a pas beaucoup d'humour. En fait, il y en a pratiquement zéro. On a affaire à un Jackie Chan sérieux qui tente de vraiment jouer un personnage, de jouer un talent d'acteur et non d'essayer de faire des cascades puis des scènes d'action en profusion. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il est vraiment bon dans son rôle. Puis par moment, il y a des bonnes idées de scénarios venant du réalisateur, mais je me suis pas assez impliqué. Je trouvais que c'était très mal dosé puis que son scénario était pas suffisamment intéressant pour que je sois sur le bout de mon siège. Alors qu'un huis clos, c'est supposé être ça. T'es supposé justement être impliqué, être stressé puis que ça soit intéressant tout ce qui arrive. Puis le réalisateur réussit plus ou moins. Fait que pour moi, c'est vraiment pas un film mémorable, mais je le déconseille pas. Je crois que ça peut remplir une soirée emmerdante. Là. Vous avez rien à écouter pantoute, mais je crois que ça peut paraître diverti. Mais attendez-vous pas à un des meilleurs Jackie Chan qu'on a eu des dernières années. Là. C'est quand même assez banal comme film. Là. Dommage. Ouais. Ben, en même temps, ça me surprend moyennement, parce que comme je dis, les critiques étaient pas super bonnes. OK. Ben là, depuis tantôt, je parle de films qui m'ont déçu. Fait que moi, je vais parler d'un film que j'ai vraiment adoré. Still Alice, l'as-tu vu? Non, je l'ai mis dans ma liste d'attente sur Netflix. Ben c'est ça, il est sur Netflix. Moi, je l'ai décidé de l'écouter parce que ça m'intéressait depuis qu'il était passé aux Oscars et que je n'avais entendu parler. Ça a valu à Julianne Moore l'Oscar de la meilleure actrice de cette année. C'est un film sur une femme de 50 ans qui apprend qu'elle a un début d'Alzheimer. C'est une femme extrêmement intelligente qui est professeure d'université, qui a écrit un livre, qui se définit, elle, par son intelligence, c'est ça toute sa vie. Elle a une vie de famille très complète aussi. Elle a un mari, c'est Alec Baldwin. Elle a deux grandes filles qui réussissent relativement bien, surtout sa première fille qui est comme un parcours très traditionnel, qui va se marier, avoir des enfants. Et tout. Ben oui, avoir des enfants, être enceinte dans le film. Puis son autre fille, c'est... sa première fille est jouée par Kate Bosworth. Son autre fille est jouée par Kristen Stewart, qui, elle, dans le film, est une actrice à vie à l'autre bout du pays, à Los Angeles, puis elle essaie de rejoindre les deux bouts en ayant des petits boulots, puis en essayant de se trouver, de percer dans le monde du théâtre et tout ça. Et donc, ben, c'est un film vraiment fascinant, premièrement, parce que moi, la maladie d'Alzheimer, je pense que c'est une des maladies qui me fait le plus peur au monde. Je pense que l'idée de perdre sa personnalité, de complètement oublier qui on est, c'est la chose la plus terrifiante. Tu peux même pas faire tes adieux vraiment à personne. C'est pas comme un cancer où tu sais que tu es en train de mourir, tu sais qu'est-ce qui se passe. L'Alzheimer, tu sais plus pantoute qu'est-ce qui se passe. Ça, je trouve ça vraiment effrayant. Puis dans le film, c'est extrêmement bien montré. La confusion, la peur, tout ce qui vient, toutes les émotions qui viennent avec l'Alzheimer. Puis c'est ça, tu sais, moi, ma grand-mère, là, du côté de mon père, elle avait l'Alzheimer, puis pendant des années, on allait la visiter de temps en temps, puis elle ne nous reconnaissait pas. Fait que, tu sais, j'ai eu ce contact-là avec elle, ce rapport-là, avec cette maladie-là, puis ça me terrifiait assez jeune. C'est un bon film, c'est tellement bon, là. J'ai été captivé du début jusqu'à la fin, c'est vraiment un de mes films. Au niveau des performances d'actrice, d'acteur, c'est génial. Là. C'est un film que je vais chérir toute ma vie. C'est pour comprendre c'est quoi la maladie d'Alzheimer, je dis pas que le film va nous apprendre tant de choses que ça, mais en même temps, pour mieux comprendre, pour mieux avoir d'empathie envers ces gens-là, c'est un film extraordinaire. Julianne Moore, elle est parfaite, parfaite, parfaite. On la voit là. On la voit se transformer au cours du film, puis je ne veux pas trop en révéler, mais c'est tellement génial, là, sa performance. Puis Moi, j'étais un gros défenseur de Kristen Stewart, pas pour les Twilight, je m'en fous des Twilight, mais tu sais, j'avais adoré le film de Runaways, puis il y a d'autres performances que j'ai aimées d'elle, puis dans ce film-là, sa relation avec Julianne Moore, c'est tellement... Le scène ensemble, c'est celle que je préfère, puis j'aime vraiment beaucoup comment elle joue son film. Des fois, c'est juste... C'est tout en retenue, c'est des petits trucs dans son visage, des fois, la peine qu'elle va ressentir pour sa mère, ou... des trucs comme ça, c'est vraiment très, très bien joué. Alec Baldwin, qui joue le mari de Julianne Moore, d'habitude, on le voit récemment, on l'a vu dans 30 Rock, on l'a vu dans des trucs plus humoristiques. Dans ce film-là, il m'a touché. Là, il y a une scène vers la fin du film que j'en ai eu les larmes aux yeux. Leur relation est extrêmement crédible. Il y a plein de petites touches que j'ai vraiment adorées, puis on croit vraiment que c'est un couple qui sont ensemble depuis longtemps. Puis c'est ça, dans l'ensemble, c'est vraiment un film où les performances sont extrêmement... sont parfaites, tout est tout le temps juste. Le scénario est extrêmement bien écrit. Le film est très bonne réalisation. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de, dans les mouvements de caméra ou quoi que ce soit, mais ça fonctionne très, très bien. C'est un couple gay qui a réalisé le film, qui avait déjà réalisé plusieurs films ensemble. L'un des deux réalisateurs est décédé pas longtemps après la sortie du film. Mais c'est ça, le travail qu'ils ont fait, c'est vraiment génial, puis je trouve que c'est un film extrêmement important pour prendre conscience de c'est quoi la maladie d'Alzheimer, puis ses effets, puis les effets autour chez les gens qui sont autour des gens qui sont atteints. Fait que, non, sérieusement, je le recommande très, très fortement. C'est un excellent film. Il y en a qui ne réalisent pas à quel point c'est terrifiant, l'Alzheimer. C'est pas juste d'oublier quelques trucs de temps en temps, là, c'est vraiment affreux. Là. Tu te perds toi-même. Là. Tu perds tes souvenirs, mais tu perds de ta personnalité, tu perds tout. Tout. Et tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, là, tu décides pas, ça peut arriver du jour au lendemain, ça. Là. Moi, c'est une chose qui me fait. C'est pour ça que ça me fait peur souvent, c'est héréditaire dans le film, c'est ce qu'on apprend aussi. Puis, dans ma famille, il y en a eu, fait que tu sais, veux pas, ça me fait peur aussi. Il y a eu des problèmes de cœur dans ma famille, fait que je fais attention, il y a du diabète, je fais attention à ça. Mais tu peux pas faire attention à l'Alzheimer, tu peux pas faire grand chose, à part peut-être exercer. Même là, j'allais dire exercer ton cerveau, mais tu sais pas, tu sais. J'aime les trucs avec des... j'aime jouer à des jeux comme quelques sortes de pente-piège, des trucs de connaissances générales où tu es tout en train de faire travailler ta mémoire. Tu sais, j'adore écouter Jour perdu à tous les soirs, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est mon truc à moi, mais t'en as pas de truc pour contrer l'Alzheimer encore, vraiment. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de médecine qui peut rétablir ça. Là. Je veux dire, t'apprends ça, c'est une condamnation. Tu apprends que tu as un cancer, tu peux décider de faire de la chimio. Tu sais bien que ça te guérira peut-être pas, mais tu peux essayer des affaires. Tandis que l'Alzheimer, il n'y a pas grand-chose. Il y a des médicaments pour ralentir un peu, mais c'est vraiment effrayant parce que c'est ça, tu perds tout ce que tu es. Tu te fais tout dérober. C'est pire que de se faire voler ce qu'il y a dans sa maison. Là, c'est de se faire voler ce qu'il y a dans sa tête. Là. Puis c'est ça, dans ce film-là, elle... C'est ça l'ironie, c'est qu'elle, tout ce qui est dans sa tête, c'est hyper important. Elle est prof, elle est auteure, elle enseigne des trucs hyper pointus aux jeunes, puis tout. Puis de perdre toutes ces connaissances-là, ça la traumatise au bout. Là. Fait que non, sérieusement, c'est très conseillé. Wow, tu me donnes vraiment envie de le voir, même si ça a l'air d'un film extrêmement déprimant. Je pense que c'est le genre de film que je vais avoir facilement les larmes aux yeux. Ouais. Pas les larmes à les pages de notre amour, pas ce style d'Alzheimer-là, mais non. Plus de manière plus réaliste et dramatique. Ouais, c'est déprimant, mais c'est tellement beau. Là. Puis Julianne Moore est vraiment une très grande actrice. Puis, dans tout ce qu'elle fait, elle est tout le temps bonne. Même dans les films moyens, elle est quand même super bonne, cette actrice-là. Je l'adore, sérieusement. Dans Blindness, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais elle était cœurante. Non, j'ai entendu parler en masse. Mais je te conseille fortement. C'est un excellent film, ça aussi. Il y a un film que je veux voir, je ne connaissais pas, je l'ai entendu parler récemment. Ça s'appelle Safe, 1995. C'était avec elle. C'est une histoire d'épidémie dans le monde, je ne sais pas trop quoi. Là, c'est un... Ça me dit vaguement quelque chose, va falloir que je vérifie. Mais et dans Boogie Nights, c'était super bonne. Ouais, hein. Vraiment bonne dans Boogie Nights aussi. Puis... Et dans Evolution avec David Duchovny. Oui, mais c'est le fun. Il est fun, ce film-là. C'est drôle, le fun. Fait que je te laisse le continuer. Ben, je suis en train de me rappeler tous les films. Tu sais, même dans Jurassic World, pas Jurassic World, mais Le Monde Perdu, tu sais, ouais. Son personnage est le plus intéressant du film, encore une fois. Puis, Dans Hannibal, elle faisait pas une mauvaise job. C'est juste que elle reprenait le rôle de Clarence Starling, puis ça ne marchait pas dans la tête de la plupart des gens. Moi, ça ne marchait pas dans ma tête, mais elle faisait pas une mauvaise job en tant que telle. Tu sais. Ben, elle faisait avec ce qu'elle avait. Je veux dire, en tant que telle, c'est difficile d'oublier Jodie Foster. C'est comme si tout le monde aurait été marqué par la performance d'Anthony Hopkins, puis qu'il aurait décidé de prendre un autre acteur pour Hannibal. Le monde aurait été déstabilisé. Sacco nous dit pauvre elle dans Carrie. J'ai pas vu encore Carrie, le remake, ça, c'est elle qui joue sa mère, je pense. Ouais. Puis le monde dit pauvre elle. Ça me fait chier de dire ça parce que je suis vraiment pratiquement tout seul, mais je l'ai pas détesté, le remake de Carrie. C'est vraiment pas un remake mémorable. Puis avec la réalisatrice qu'on avait derrière ce film-là, on aurait pu avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais c'est pas le pire remake que j'ai vu, honnêtement. Je trouve que c'est quand même regardable parce que Julianne Moore a fait pareil une très bonne job. J'adore l'actrice Chloé, qui est un mauvais choix pour le film parce qu'elle est trop jolie pour jouer Carrie, qui est supposée être laide. Puis, tu peux pas comprendre que dans le film, le monde puisse la trouver laide. T'es comme, OK, c'est pas crédible pour un sou. Mais je veux dire, c'est un film que j'ai pareil réussi à écouter sans dégoût. C'est pas, mettons, comme le remake de Nightmare on Elm Street que j'ai vraiment eu de la misère, comme c'est pas possible. Il y a payé comme remake. Là. Ils vont en faire un autre remake, je pense, encore. Carrie? The Nightmare. Ah, Nightmare. Oui, il va le recommencer à zéro. Puis là, en tout cas. Hey, question de parlant de remake. La nouvelle d'hier, la grosse nouvelle d'hier. Tu l'as lu? C'est-tu Suspiria? Non, c'est Bar Routier. Ils font un Roadhouse avec la lutteuse Ronda Rousey qui était dans Expendables 3. Pour vrai? Non, oui. J'ai pas vu la nouvelle. C'était elle qui était dans Expendables 3, la fille? Ah oh, oui, c'est bien elle. C'est Ronda, ouais. La fille était dans Furious 7 aussi. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que elle va jouer le rôle de Patrick Swayze qui... ouais. Ils font un remake de Roadhouse. Ça va être ben, t'sais, en même temps, ça c'est drôle parce que je suis sûr que 90% des jeunes ou du monde connaisseront pas Roadhouse qui va aller voir ce film-là. Je veux dire, ça a 26 ans ce film-là, puis les jeunes qui. Le public cible du cinéma, ils l'ont jamais vu. Là, puis ça leur tentera pas forcément de le voir. Puis encore moins la suite avec Gary Busey qui avait sorti. Puis ah, c'était affreux ça. C'était vraiment pas bon. C'était avec l'acteur principal, il avait joué dans The Wonders, dans That Thing You Do. Ouais, puis il avait joué aussi dans le film vampirique. Je ne vais pas dire en anglais parce que je ne me rappelle plus du titre, mais je me rappelle du titre en français. C'était Les Vampires du désert et c'était sorti comme début année 2000. Puis c'était comme des vampires qui n'avaient pas de crocs. Puis j'ai un très vague souvenir, mais je n'avais pas trippé à l'époque ce film-là. Je sais que Sylvain, il a le DVD puis que je pense qu'il apprécie le film, mais je serais curieux de le revoir pour le fun. OK. Fait que c'est ça pour les remakes. T'avais-tu. De quoi tu parlais déjà? Tu parlais de. Suspiria? Ah, de quoi on a parlé justement? Je suis perdu. Là. Moi aussi. Bon. Parce que je sais que j'ai vu l'annonce de Suspiria, mais tu sais, je veux dire, moi je capote plus ou moins parce que ça fait tellement d'années qu'ils n'arrêtent pas de l'annoncer qu'ils vont faire un remake. Puis... Sérieusement, non, ça choque. Là, Une série qu'ils font de Suspiria, là. Ben, un film aussi. C'est un film, là, c'est une série. La nouvelle, ça fait longtemps qu'elle était sortie, c'est l'année passée. Mais la dernière qui vient juste de sortir, il me semble que ça rapporte à un film, mais c'est peut-être qui se mélange. Là, mais encore là, ça ne m'intéresse pas franchement plus. Là. En fait, je suis plus excité d'attendre le Blu-ray de Synapse de Suspiria pour le voir en HD que me taper une nouvelle version. Mais c'est pas nouveau. Puis je veux dire, bientôt, là, on ne sera même plus surpris par les annonces de remake parce que. Honnêtement, je pense qu'on a fait 70% des classiques. Là. Je veux dire, les plus gros films de notre enfance, puis les films qu'on adore, les Evil Dead, toutes ces choses-là, ils ont tous été refaites. Fait que je veux dire, il n'y a pratiquement plus de classiques qui peuvent toucher à part Jaws puis Back to the Future qu'ils ont mentionné dernièrement. Mais sinon, je veux dire, gars, ça me choque plus. Je suis rendu habitué avec ça, puis c'est correct. Là. Je vais juste continuer mon petit bouton en train puis éviter ceux qui m'intéressent vraiment pas. Là. Fait que je me souviens plus de quoi on parlait avant de parler des remakes, mais... excuse-moi. Sylvain, il mentionne que Jonathan Schintz est bon dans tout, OK? 8mm 2, Roadhouse 2, puis Poison Ivy 2. Le gars se spécialise dans les sequels. Ouais, c'est ça, il a joué dans toutes les deux. Surtout que moi, j'ai pas vu 8mm 2, mais j'ai adoré le premier avec Nicolas Cage. Je trouve que c'est un des meilleurs films de Joel Schumacher. Puis, je vois pas pourquoi il y aurait un 2 à ce film-là, mais... C'est l'homme séquelle, oui. L'homme séquelle. T'avais-tu d'autres choses à mentionner? Non, c'est ça, j'arrive pas à me rappeler de quoi on parlait. Tout de suite après que j'avais parlé de mon film, t'as parlé de quoi? T'as commencé sur quoi? Pour ça, on a embarqué celui remake, mais on t'avait non, on parlait des films de Julianne Moore, puis j'avais mentionné... Ah, c'est ça. C'est ça, OK. C'était pas mal juste ça. C'est beau. OK. Mais moi, c'est drôle, j'avais mentionné que j'avais adoré le slasher Lust After Dark pour son côté classique. Et j'ai vu un autre petit slasher, finalement, qui est 50-50. Il y a un côté classique qui me plaît, puis un côté plus moderne. Ça s'appelle Cub. La pochette n'est pas vraiment belle, fait qu'on va pas se fier à ça. C'est un film distribué par Anne Kirby, encore une fois. C'est un film, si je ne me trompe pas, allemand ou belge, un des deux, mais c'est la façon pareil au même. Mais... Tout à fait la même langue, mais... Non, mais c'est pas la même langue, mais façon de parler. Mais dans le sens que dans le film, à un moment donné, il parle français dedans. Mm-hmm. Puis j'ai apprécié ce petit film, ce petit slasher, pour la simple raison que parmi mes slashers favoris, j'aime surtout celui qui se passe dans des camps d'été. C'est pour la raison pour laquelle, comme je te disais, j'avais commencé la série sur Netflix Wet Hot Summer. Wet Hot American Summer. Ouais, Wet Hot American Summer. Et j'adore les Sleepaway Camp pour ça. J'adore les camps d'été. Moi, je trouve que c'est un charmant décor pour les slashers. Et de nos jours, je trouve que c'est plus dur de faire un film moderne avec ça parce que ça existe plus ou moins encore. Je crois que les camps d'été, c'est plus rare. Je suis pas un expert, mais dans ma tête à moi, j'ai l'impression que c'est plus comme dans les années 80. Fait que pour remédier à cette situation-là, pour quelque chose qui s'en rapproche plus, Cop, ça va se dérouler avec un petit groupe de scouts. Et c'est tous des jeunes enfants entre 12 et 13 ans. Et ils vont aller faire une petite randonnée en forêt avec deux moniteurs ados assez cabotins, si on veut. Puis ils vont aller faire ça dans un coin où que ça a une ancienne réputation, qui est arrivé de quoi de tragique, mais on ne sait pas trop quoi exactement. Et je trouve que le film arrive à avoir une vibe un peu comme les slashers qui se déroulaient dans les camps d'été. C'est juste que là, c'est avec des scouts. Puis ça a l'air que dans la place où le film se déroule, où ça a été tourné d'origine, c'est très populaire là-bas, les groupes de scouts. Ça a l'air qu'il y en a vraiment partout. Fait que c'est assez d'actualité. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans le film parce que le groupe de jeunes est le fun à suivre. Puis le film possède vraiment une bonne atmosphère. Mais qu'est-ce qui fait vraiment sa force aussi? Le film est visuellement incroyable. Il y a vraiment un gros travail au niveau du visuel, de l'esthétique, de la photographie. La réalisation est super déchée, tu as des super plans. Il y a beaucoup de travail du côté technique qui m'a beaucoup impressionné, qui renforce encore plus le film. Ce qui m'a, par contre, un petit peu déplu, c'est lorsque le côté slasher embarque, ce qui prend quand même un bon moment. Les meurtres puis la façon que ça arrive, c'est concocté avec des pièges dans la forêt à la Jigsaw ou à la Home Alone plutôt, mais c'est tellement élaboré que je trouve que c'est un petit peu ça va à controverse du côté classique que le reste du film tente de jouer dans la cour du slasher, que c'est quand même sérieux avec une petite dose d'humour, tandis que les meurtres sont over the top. Tu sais, vraiment, c'est comme des gros pièges élaborés qui vont enclencher 10 millions de choses en même temps pour que finalement un objet aille écraser quelqu'un ou qui va ensuite venir faire tomber quelqu'un ou faire interagir un autre objet. C'est vraiment poussé au point que je trouvais que ça se mélangeait mal dans le contexte du film, le ton. On dirait que le film a comme deux tons qui arrivent mal à se mixer entre les deux. Ce qui est un peu dommage, malgré que les meurtres sont quand même cool, mais j'ai juste trouvé les pièges un peu trop abusifs pour le ton du film qu'il y avait. Mais c'est pas un slasher non plus mémorable. Je crois que ça manque de meurtres. Il y a quelques longueurs aussi. Puis l'autre truc qui m'a un petit peu agacé aussi, alors que sur certains films, ça ferait sa force, le manque d'infos sur le tueur et sur ses raisons d'agir ainsi, parce qu'on n'apprend vraiment rien pantoute. C'est très mystérieux au point que ça devient... Moi, ça m'a agressé. J'aurais voulu en connaître un petit peu plus, puisqu'il y a tellement d'éléments et de trucs qui se passent que j'aurais voulu savoir pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est là. Et je me dis peut-être que le réalisateur voulait réserver ça pour une suite. Mais sinon, globalement, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça le film divertissant. C'est pas parfait, mais ça a suffisamment de qualité pour garder notre attention. Puis c'est vraiment un slasher de fun. J'ai trouvé ça un drôle d'hasard que dans la même année, je tombe sur deux slashers d'affilée qui m'ont plu. J'ai préféré Lust After Dark, Mais Cobb, je le recommande fortement parce qu'il sort quand même un petit peu de l'ordinaire avec deux, trois éléments originaux que je ne vais pas mentionner, évidemment, pour gâcher le plaisir de voir ce petit film-là, mais je le conseille. Cool. Moi, j'ai vu un soir que je cherchais quoi regarder sur Netflix. C'est sur le Netflix US. Un petit film qui s'appelle Time Lapse, que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. La pochette est très, très laide. Et c'est avec l'actrice Danielle Panabaker, un acteur qui s'appelle Matt O'Leary, puis George Finn. C'est un trio. Ils vivent, dans le fond, c'est un couple, puis leur meilleur ami qui vivent dans le même appartement, puis que, dans le fond, il y en a un des deux gars qui est comme le concierge de ce complexe d'appartement-là. Puis dans l'appartement d'en face, il y a un vieux monsieur qui vient de mourir, puis il découvre dans son appartement une sorte de grosse machine qui prend des photos à intervalles réguliers, mais les photos qu'elle prend se passent 24 heures dans le futur. Puis, une fois qu'ils ont découvert ça, puis qu'ils commencent à comprendre le fonctionnement de la machine, bien, ils décident de s'en servir pour leur propre bénéfice. Mais ça va avoir une tournure assez dramatique et je ne veux pas rien révéler parce que tous les éléments du film, tous les éléments de surprise sont vraiment le fun. Ce qu'eux autres décident de faire avec les photos et les décisions qu'ils prennent, souvent, c'est frustrant en tant que spectateur. Tu te dis « Merde, mais pourquoi vous faites ça? » Puis en même temps, ben, tu embarques au bout et ça devient de plus en plus dark. Puis il y a une couple de personnages qui sont un petit peu parodiques, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé le trio. Puis tout se passe quasiment, tout dans l'appartement. Le film, c'est un huis clos quasiment. Ça pourrait même être une pièce de théâtre. Là, moi, je verrais tellement adapté en pièce de théâtre ce film-là. Ça marcherait au bout. Puis... J'ai adoré la chimie entre les trois. J'ai vu sur les forums d'IMDB qu'il y en a qui n'aimaient pas les acteurs. Mais moi, j'ai adoré tout le long du film. Je me disais, mais ils sont super bons, je trouve. Ils donnent une performance très subtile parfois. Tu sais, des fois, c'est juste un regard, c'est juste l'expression du visage qui est très subtile. Puis, c'est ça, l'histoire m'a emballé là, du début jusqu'à la fin, sans interruption. C'est 1h15, je pense, 1h20 de film, c'est vraiment pas long. Puis c'est vraiment très le fun. Pour ceux qui aiment les films qui jouent un peu avec le temps, c'est pas du voyage dans le temps, mais ça joue avec les règles du temps. Puis je trouve ça vraiment très le fun. Puis la finale est parfaite, là. C'est parfait pour ce film-là. Puis... sans vouloir spoiler, je dirais qu'elle est parfaitement frustrante, mais c'est vraiment le fun. Puis j'en voulais plus, mais en même temps, j'en voulais pas plus. Là. C'était ça, c'était parfait comme finale. Puis non, moi, sérieux, time-lapse, je connaissais pas en tout. Puis fiez-vous pas à la pochette, c'est super affreux. On dirait un film de science-fiction de 1996, AZ Télé, quelque chose comme ça, là, la pochette, mais... J'ai vu le trailer sur un Blu-ray que j'avais écouté, puis j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais eu l'impression que le trailer en montrait peut-être un petit peu trop, fait que j'ose espérer que ça ne m'a pas trop spoilé des éléments intéressants du film que tu mentionnes. J'espère que non, parce que moi je ne l'ai pas vu, puis je ne sais pas ce qui montre le spoiler, le trailer, mais non. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu le film, j'ai vu la description, j'ai été voir un peu sur IMDb, puis les commentaires étaient tous très bons, les commentaires des utilisateurs. Dans les critiques, et non, je parle pas des forums, là, je parle des critiques, mais des utilisateurs, puis tout était très très bon, fait que ça m'a vraiment beaucoup vendu le film. Après ça, j'ai été voir les forums, là, j'ai été voir les discussions plus en profondeur, puis là, les gens critiquaient le jeu des acteurs, critiquaient plusieurs éléments du film, mais non, moi sérieusement, j'ai vraiment passé un très très bon moment, puis je le recommande fortement, ce film-là. Cool, je vais y jeter un coup d'œil, évidemment. Moi, j'ai écouté un film que j'avais très hâte de voir. Je vais sûrement mal le prononcer puisque je ne suis pas bon avec les films dans les titres en anglais. Redeemer. Redeemer. Correct. Redeemer. The Redeemer. C'est un film chilien et c'est avec Marco Zahor. Marco Zahor, c'est un artiste martial qui a été découvert avec Kiltro, qui était le premier film d'art martial chilien, qui était un film... très bizarre au niveau de son atmosphère qui mélangeait les genres. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Et Marco Zahor, c'est un artiste martial vraiment talentueux qui mérite une grosse carrière. Et là, qui commence vraiment à se faire connaître, mais ça a pris beaucoup de temps. Et ça, c'est sa quatrième collaboration avec le même réalisateur. Ils ont fait une série de films ensemble qui sont quand même assez différents, qui vont dans des thèmes différents. pour la plupart, ça touchait tout le thème. Ça touchait tout le thème de la vengeance et de la revanche et ces choses-là. Pour celui-ci, on a décidé d'aller dans une direction un peu différente, plus la rédemption. En fait, le personnage du film tente jamais de prendre une revanche ou c'est un personnage qui est arrivé à un événement tragique, mais au lieu de tenter de se venger, il va essayer de trouver une rédemption en aidant les gens un peu à la manière de Charles Bronson, une espèce de vigilante qui se promène de ville en ville pour aider les gens. À chaque fois qu'il va aller, avant d'aller commettre des crimes, parce que lui, quand il va aider les gens, c'est pas juste qu'il va péter la gueule aux personnes, il est tué de manière assez brutale. Et à chaque fois, avant d'aller commettre ces actes-là, il va mettre ça un peu entre les mains de Dieu, parce que le gars, il est quand même assez religieux, puis il prend la peine de prier à chaque fois avant, puis il met une balle dans un revolver, puis à chaque fois, il joue... Il fait une petite partie de roulette russe, puis il laisse entre les mains de Dieu que si Dieu veut pas qu'il commette ces crimes-là pour se faire pardonner, mais qu'il laisse se suicider dans le fond. Et en tant que tel, c'est sûr que c'est un film qui mise plus pour son action, puis c'est ça le plus intéressant. Les fights sont vraiment cool dans le film parce qu'ils ont un côté violent, un peu à la The Raid, qui a un peu parti ce genre-là, où on avait des morts assez brutales avec des armes ou toutes sortes d'accessoires de décor. Qui fonctionnent et qui sont vraiment jouissifs. C'est vraiment une petite bouffée d'air frais. Et ce qui rajoute un plus, c'est que le réalisateur est un gros fan de... J'ai un blanc de mémoire. Stanley Kubrick, Sam Peckinpah puis Quentin Tarantino. Puis il a tout le temps été fan de ces gars-là. Puis il a décidé d'essayer de faire un mélange de ces trois influences-là dans le film, puis de mettre des clins d'œil puis des trucs vraiment le fun qui, moi, m'ont vraiment plu. Le premier groupe que le personnage va aller attaquer, c'est une réplique directe de la scène du début de Orange Mécanique où tu as les quatre gars avec les bretelles, les chapeaux, sont dans une espèce de salle de théâtre qui se prépare à violer une fille. La scène, je vous jure, est identique. Le décor, c'est vraiment cool. La seule différence, c'est le retournement de situation où que les quatre gars vont littéralement se faire massacrer par un gars qui vient pour sauver la demoiselle en détresse. Puis la scène est vraiment le fun. Le clin d'œil fonctionne bien. Pour l'aspect plus Quentin Tarantino, c'est que le méchant principal du film qui va poursuivre notre héros, c'est un espèce de pas vilain. C'est le genre de vilain qui n'est pas capable d'assumer qu'il est un vilain. Il est trop cool avec son staff. Puis tout son staff puis ses employés qu'on a engagés, c'est tous des gros tueurs à gages avec des gros noms, des surnoms de killer. Vraiment, il y en a un qui s'appelle Scorpion. Puis il est comme... Ton nom est vraiment badass. Toi, tu t'appelles Scorpion. Moi, mon seul nom, là, j'ai pas de surnom. On m'appelle Steve. Et comme c'est pas, il n'y a rien de badass dans ça. Puis tout le long du film, il essaie de faire trouver un nom badass à ses employés, mais à chaque fois, personne ne sait quoi répondre. Puis t'as un petit côté humoristique dans les dialogues qui m'ont rappelé justement Quentin Tarantino, qui sont le fun puis qui fonctionnent. Puis pour le côté Sam Peckinpah, pour ceux qui sont fans du réalisateur, qui a fait entre autres un des meilleurs westerns pour toujours, qui est The Wild Bunch, qui est vraiment un film formidable. Peckinpah est reconnu pour ses ralentis, vraiment super maîtrisés. Il y en a une couple aussi dans le film qui m'ont rappelé justement Bug Me de Head of Alfredo Garcia, qui est un de mes films favoris du réalisateur. Fait que je trouve que le réalisateur maîtrise bien ses influences. C'est un bon film d'action avec des bonnes scènes de fight mémorables et bien violents qui vaut vraiment le détour. Et petit pour un film chilien, c'est quand même pas un pays où qu'on peut voir assez régulièrement des films. Je crois que c'est rare, j'écoute des films chiliens. Et je trouve qu'ils se démarquent de plus en plus. Puis je vois l'évolution du réalisateur et de l'acteur qui font vraiment des progrès puis qui corrigent certains défauts qui m'avaient dérangé dans leurs films précédents. Fait que pour ceux qui sont amateurs de films de fête puis de films de rédemption à saveur religieuse, un peu à la Bulldog Saint, vous allez sans doute apprécier. Moi, je le recommande fortement. Je crois que c'est le meilleur film d'art martial que j'ai vu cette année. Cool. Je sais que c'est pas forcément ton genre. Non, mais ça, c'est la manière que tu le décris, c'est intéressant. C'est vraiment le fun. Mm-hmm. Surtout que les différentes références. Ouais, vraiment celle-là d'Orange Mécanique, c'est celle qui m'a le plus marqué. C'est vraiment le fun. Mais j'aime que le gars s'appelle Steve. Ouais, ça aussi, c'est très drôle. moi, j'ai plus vraiment de films. C'est pas mal tout dans ma liste, en fait. Parce que j'écoute beaucoup de télé. C'est le dernier que je viens de mentionner. Ah, ben OK, on est 5. Je t'ai dit, j'ai pas vu tant de trucs que ça. J'ai manqué de temps. Je voulais essayer d'en écouter plus, mais ça m'a pris 2-3 shots pour finir Flower in the Attic. Pas parce que je le trouvais mauvais, même si globalement, j'ai pas aimé le film, mais parce que j'ai écouté ça trop tard. Sinon, j'ai écouté d'autres films, je filais juste pour me retaper des films que j'avais déjà vus. Tu sais, comme je l'ai mentionné, Good Burger. J'ai réécouté What Men Can Jump avec Wesley Snipes et Woody Harrelson, qui est vraiment une de mes comédies favorites des années 90, parce que je trouve que c'est un bon drame sur la dépendance au jeu. Et les deux personnages sont mémorables. En même temps, ça a un côté... Ça décrit bien les années 90. J'aime beaucoup la culture puis tout ce qui s'attrait aux années 90. Puis je trouve que c'est un film qui résume un peu globalement tout ce que j'aimais de cette époque-là puis qui fait un peu son côté kitsch. Mais c'est un bon film, vraiment. Je trouve que le monde le mentionne pas forcément beaucoup puis il est un peu oublié. C'est vraiment un bon film. J'ai eu beaucoup de plaisir à chaque fois que je l'écoute, ça là. Puis c'est ça, moi, j'ai continué de mon côté X-Files parce que je fais les 201 jours de X-Files. Même si je ne les fais pas, je suis pas à jour, mais je suis peut-être 6 ou 7 épisodes en retard par rapport à la... Quand on va sur la page Facebook officielle de X-Files, à chaque jour, ils mettent quel épisode qui sont rendus. Je pense qu'ils sont rendus à l'épisode 15 de la saison 3, quelque chose comme ça, mais je suis rendu à l'épisode peut-être 6 ou 7 de la saison 3, tu sais. Mm-hmm. Parce que j'ai pris du retard au mois d'août, mais sinon, regarde, c'est pas grave, là. Puis... C'est ça, j'écoute des épisodes de mythologie avec ma blonde, puis les épisodes stand-alone, je les écoute tout seul. Puis ma blonde embarque, elle aime ça, là, les mythologies. C'est peut-être, c'est sûr qu'elle est moins fan du show que moi en tant que tel, mais elle aime ça. Puis elle est curieuse de voir la nouvelle série aussi. Fait que c'est pour ça qu'on c'est ça qui m'intriguait, moi. Je veux dire, on a pour la plupart grandi avec X-Files, ceux qui sont fans, on les a tous écoutés, puis on était quand même plus jeunes. Mais un public d'aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent autant accrocher? Ça a bien vieilli, je trouve. Ouais. Les effets spéciaux, non. Les effets spéciaux, en général, pas vraiment. Mais surtout les effets spéciaux de genre de fantômes ou d'apparitions, de fait de même. Les effets spéciaux pratiques de sang, tout ça, ça marche. Là, mais d'affaires de surnaturel, ça marche un peu moins. Mais non, juste pour les personnages, en fait, la relation entre les deux, c'est extrêmement intéressant, la dynamique, ça sera tout le temps intéressant. C'est ça qui est au cœur de la série, c'est ça qui a fait son succès. Puis je pense que 25 ans plus tard, 20 quelques années plus tard, ça reste tout aussi intéressant. Puis Dana Scully est vraiment un personnage fascinant, là, encore plus que Mulder, je trouve. Puis je pense que ma blonde veut pas, elle s'intéresse à ça à cause de Scully. Puis moi aussi, c'est Scully que je préfère suivre aussi. Puis des épisodes qui sont tellement bien écrits. Comme récemment, j'ai vu l'épisode qui s'appelle Clyde Brockman's Final Repose, qui est vraiment le fun. Chaque réplique est parfaite. Il n'y a pas une réplique de trop. C'est un petit chef-d'œuvre comme épisode. Là. C'est vraiment trop le fun. Puis, non, il y en a. C'est ça, il y a des épisodes classiques. Il y a des épisodes qui sont moins bons, mais ça, c'est tout le temps le même. Puis de voir des gens comme Ken Foree ou Brad Dourif dans la première saison. Il y a tellement de caméos. Puis que Jack Black. Ouais, que tu oublies qu'ils ont joué dans cette série-là. Il y en a des tonnes, puis c'est fou. T'as tout le temps. Moi, l'épisode, je me rappelle, c'est le jeune du film Sandlot. Le petit chant, le film de baseball avec les jeunes. Puis là-dedans, ouais. T'as le petit gros. Qui n'arrête pas de crier aux cheveux frisés, qui joue un des vampires de la saison 5, si je ne me trompe pas. OK. Puis on dirait que c'est tout en lui qui me revient en tête, mais c'est vraiment le fun, toutes les caméos qu'il y a là-dedans. Là. J'ai pas vu Sandlot, fait que je pourrais pas te dire, mais. T'as pas vu le film de baseball, les jeunes, avec la balle signée par Babe Ruth qui se retrouve au bord de la clôture, puis. Non. Il y a comme un chien géant, puis non? Non. Oh mon Dieu, moi c'est vraiment un film de ma jeunesse, là. J'ai grandi avec ça, puis c'est le film qui me donnait envie d'acheter des Converse. Parce que pour la scène finale, quand le jeune va aller chercher la balle, puis se sauver du chien, il prend sa boîte Converse, il rouvre, puis là, tout le monde en regarde, c'est comme, il met ses Converse neufs, puis c'est comme, wow, tout le monde en veut, puis c'est comme, wow, je veux des Converse. Puis non, vraiment, ça m'a donné... ma passion pour ces souliers-là, mais c'est vraiment le fun comme film. C'est sorti quand, en 90, 91, dans ce coin-là? Je pense que c'est début 90 à peu près. OK. C'est peut-être une question d'âge, peut-être que je t'ai rendu que ça m'intéressait moins. Je me souviens pas, en fait, je me souviens vraiment pas pourquoi je l'ai pas vu. On va falloir faire peut-être un épisode dessus. J'écoute vraiment, j'ai passé ma vie avec de la télé en plus des films, fait que j'écoute beaucoup de télé. C'est ça, en ce moment, j'écoute X-Files, puis je pense que je l'ai dit la dernière fois, je réécoute Full House au complet, fait que ouais. Je suis rendu dans deuxième saison de Full House, fait que ça va super vite parce que j'adore ça, puis c'est tout le temps aussi drôle pourtant. Pour moi, là, je sais que c'est super quétaine pour la plupart des gens, mais moi j'aime ça. C'est parce que tu donnes beaucoup d'importance aux séries, c'est pour ça que des fois t'as pas toujours beaucoup de films Non, c'est ça. Paramount, parce que tu écoutes tellement de séries. Moi, c'est sûr, j'essaie d'aller plus du niveau des films parce que j'essaie tellement de me rattraper. Mais ma belle-sœur, elle, est tellement plus série. C'est débile, toutes les séries qu'elle a. Puis on est allé, j'étais magasiné une couple de films à un petit magasin usagé de films. Je trouve tout le temps de quoi là. Puis c'est là que j'ai acheté le film avec une jeune Ellen Hunt puis Sarah Jessica Parker. Je l'ai jamais vu. C'est un film Girls 80. Fun, oui. Ouais, je l'ai vu. Ouais, ça a l'air fun, je trouve. Ça m'a coûté comme 15$. J'ai acheté 3-4 films. Elle, ça lui a coûté 135$. Elle a acheté comme les deux premières saisons de La Femme Nikita avec Roy Dupuis. La saison, le coffret complet de Seven's Show. Je suis comme, t'as vraiment le temps d'écouter 9 saisons de cette série-là. Puis elle achète toutes les séries. Puis je suis comme, moi, j'aurais même pas assez d'une vie pour écouter tout ça. Là. That Seven's Show, les 9 saisons, je les ai toutes écoutées dans le même été en 2000. Ça a fini quand? Ça a fini en 2006-2007. À peu près de cet été-là, là, je les ai tous écoutés en même été. Je ne suis pas fier de ça. Là. J'étais pas aussi en forme. Et, j'ai écouté encore plus de télécasteurs, mais j'ai passé un été entier à écouter quasiment juste la TV, être enfermé dans ma chambre. Puis, je pense que j'avais écouté cet été-là toutes les saisons de That 70 Show. Je ne suis pas fier de ça. Là, je le dis. T'es-tu malade? Non, même pas. Je suis même pas sorti. Quand je suis malade. À force de ne pas sortir, je pense que j'étais blanc comme tout. Là. Je pense que j'avais tout écouté les Dawson's Creek, j'avais écouté That 70 Show, puis j'avais écouté toutes les Buffy cet été-là. T'sais. Wow! Je passais mes journées devant la TV. Je suis pas fier, là, mais j'ai changé là, depuis le temps. Mais j'accorde plus de temps à passer du temps dehors à cette heure. Mais non, j'ai eu des périodes assez intenses de visionnage de trucs. Là. Je peux en dire autant. Je pense que j'ai parti une partie de mon adolescence à juste écouter des trucs quand j'allais pas à l'école sans arrêt. Je faisais juste écouter des films en boucle et en boucle et je sortais pas tant que ça. Fait que, moi aussi, j'ai eu une mauvaise passe. Puis... Pourquoi tu fais la danse du robot? Là? T'essaies-tu de me décon... Mais tu parlais de quelque chose, tu disais que justement, pour toi, tu veux te rattraper dans les films. Moi, j'ai un peu abandonné ça, dans le fond. T'sais, à chaque année, j'arrive même pas à voir tous les films qui sont nominés aux Oscars, qu'il y en a juste 10, puis j'arrive pas à te les voir. T'sais, j'ai pas vu ceux de l'année passée, j'ai pas encore vu ceux de cette année. Puis on pourrait te les nommer à toutes les années, là, puis j'en ai pas vu le trois quarts des films. Mais comme c'était la liste, Julianne Moore avait été nominée, je crois bien, pour meilleure actrice. Ouais, c'est ça, je disais tantôt, elle a été nominée pour la meilleure actrice. Oui. J'ai pas réussi à le voir. Je pense qu'il faut y aller avec les films qui nous intéressent et pas juste parce que c'est nominé. Tu sais, j'ai écouté Whiplash, Foxcatcher parce que c'est des films qui m'intéressaient vraiment. Mais regarde, j'ai même pas encore écouté Birdman. C'est un des films les plus acclamés, puis j'adore Michael Keaton, mais on dirait que le film m'intéresse moyennement au point que j'ai pas forcément envie de me garrocher. Tu sais, je vais l'écouter à un moment donné. Il est sur Netflix maintenant, mais que j'ai le temps. Mais je pense que maintenant... j'essaie d'accorder plus de priorité à qu'est-ce qui me tente vraiment et non d'y aller avec qu'est-ce qui s'est fait beaucoup parler. Tu sais, si le film ne m'intéresse pas, je m'en fous, tout le monde a aimé. Tu sais. Non, moi, il m'intéresse. Là. C'était ça se jouait entre lui et Still Alice. On a fait pile ou face, puis on a choisi Still Alice. Mais un des prochains, ça va être Birdman. Puis il y a Wild aussi avec Reese Witherspoon qui m'intéresse. J'en ai une liste énorme sur Netflix de films en attente. Tu sais. Wild, je vais le voir également, parce que j'ai tellement aimé Dallas Buyers Club que là, il y a déjà une nouvelle bande-annonce pour le nouveau film de Jean-Marc Vallée qui est Demolition avec Jake Gyllenhaal, qui a l'air d'un excellent drame, super intéressant. Puis on dirait que depuis les dernières années, Jake Gyllenhaal, là, au top. Là, ça fait comme Matthew McConaughey. Là, on dirait que tout le monde vient de le découvrir. Il n'arrête pas de choisir des bons rôles. Il nous offre des putains de bonnes performances. Fait que là, c'est le fun de voir ça. Là, ça Mais c'est ça, tu sais, j'essaie plus de rattraper mes séries parce que moi, j'écoute des séries à longueur d'année. Puis là, tu sais, comme en ce moment, au mois de septembre, là, ça va être le début des nouvelles séries. La semaine prochaine, dans deux semaines, c'est le retour des séries que j'écoute, c'est genre Castle, Nashville, tous ces trucs-là. Homeland qui va commencer bientôt, j'imagine. J'ai la saison 1. J'avais pas déballé comme bien d'autres saisons, mais. Mais American Horror Story, je suis pas sûr que je vais l'écouter, mais elle va commencer bientôt. Il y en a plein comme ça, qui Ash versus Evil Dead, qui va commencer en octobre. J'ai regardé le nouveau teaser ou TV spot qui a sorti pour le nouveau American Horror Story. Puis évidemment, tu vois des clins d'œil à Shining, c'est comme trop évident. Puis c'est encore très léché visuellement. Là, c'est toujours un gros marketing au niveau de son visuel. Mais là, ils mettent tellement l'emphase sur Lady Gaga que j'ai quasiment l'impression qu'on va avoir un univers qui est associé à Lady Gaga. Tu sais, j'ai quasiment l'impression de voir une pub pour son nouveau vidéoclip. Fait que c'est elle le personnage principal, je pense. Non, ouais, c'est elle le personnage principal. Puis je t'aurais même demandé si c'est pas elle qui a pris quasiment possession de cette saison-là. Puis, ouais, mais c'est ça. Je pense que Jessica Lange va avoir un rôle beaucoup plus petit que dans les autres saisons. Ben, elle l'avait mentionné aussi, je crois. Ouais. Puis il y a encore Kathy Bates dedans, mais... j'ai pas vu la 2, j'ai pas vu la 3, puis j'ai juste vu la première encore une fois, puis je sais que c'est pas important d'écouter dans l'ordre, mais encore une fois, mais j'ai le temps, je vais l'écouter. Là, je suis dans Walking Dead, j'aime ça en ce moment, j'ai envie de la continuer. Twin Peaks, la même affaire. Je vais en reparler prochainement, parce que je trouve que j'ai pas vu assez d'épisodes encore pour mentionner mon évolution, mais j'adore sérieusement, là, j'ai juste hâte d'en découvrir plus, puis c'est un univers tellement intéressant, puis je veux vraiment la terminer avant que la nouvelle saison commence, parce que j'aimerais ça la suivre. T'es rendu où à peu près dans Twin Peaks? Pas loin, j'ai pas fini la 1. Ok. Mais c'est quoi j'allais mentionner? C'est ça, j'ai hâte de... en fait, maintenant, je me suis comme décidé... que lorsqu'une nouvelle série commence ou une nouvelle saison de quelque chose qui m'intéresse vraiment, de laisser les voir à mesure comme tu as fait ou comme ma blonde a fait avec Scream. Parce que l'incident qui vient de m'arriver avec Scream, de l'imbécile qui a posté la photo puis qui a vraiment écrit un gros texte, ça m'a tellement frustré que je me suis dit, je pense que j'ai plus jamais envie de... Parce que là, j'ai quasiment même pas envie d'écouter la série de Scream. Tu sais, d'un coup, tu sais c'est qui. Ça l'enlève beaucoup de suspense. Tu sais, tu disais qu'est-ce que t'aimais. C'est que tu soupçonnais tout le monde. Là, j'aurai pas cet effet-là, mais que j'écoute la série. Puis on va le dire, c'est le cuisinier. En fait, c'est l'arrière-grand-mère de Sydney qui est arrivé dans l'univers de la série. Non, c'est Neve Campbell qui se joue elle-même. Mais non, c'est ça. C'est comme, ça m'a tellement fait chier que maintenant, j'ai comme plus envie que ça arrive. Fait que je vais essayer de suivre à mesure les séries qui m'intéressent. C'est pas évident. C'est comme ce que je voulais dire tantôt. C'est que moi, mois de septembre, les nouvelles séries commencent d'automne. Puis il y en avait plein cet été que j'ai même pas encore eu le temps de finir. Ils sont accumulés sur mes... c'est l'enregistreur, tu sais, puis de fait de même, puis ils sont en attente, tu sais, des trucs que je voulais voir, comme la saison 2 de True Detective, même si j'ai pas aimé la première, j'étais curieux de voir la 2, puis j'ai pas encore fini Under the Dome, même si je sais que c'est de la merde, j'étais juste curieux de la de puis voir. C'est annulé en plus, fait que tu pourras même mais c'est pas ça, tu sais, je vais finir, tu sais, je sais qu'ils ont fini, ils ont réussi, ils l'ont su à temps pour faire une finale, tu sais, ça sera pas en queue de poisson. Hannibal, ben, je veux continuer. J'avais écouté déjà la première saison quand était la première année qui a été diffusée, puis après ça, j'avais pas réécouté le reste, mais ça m'intéressait au bout. J'adorais ça, Hannibal. Parce que c'est fini, ben là, ce que je veux faire, c'est que je veux recommencer du début Hannibal pour me replonger dedans, à fond. Mais il y en a plein, tu sais, sur Netflix, c'était la série de Gillian Anderson, The Fall, que je voulais voir. Il y en a plein, là, t'sais. J'ai même pas vu Bates Motel. Ça, c'est une autre série qui m'intéresse, malgré ses opinions un peu mitigées. Ça me semble intéressant. Puis Penny Dreadful qui n'arrête pas de me parler. Je l'ai mentionné quasiment à chaque épisode. Là. Mais je veux vraiment les voir, ces séries-là. En plus, ils viennent de sortir. Ils ont sorti un jeu de Clou de Penny Dreadful. La thématique Penny Dreadful, je le veux tellement. Là. J'ai vu ça sur un site. C'est comme, je sais pas, 40$. Là. Il est tellement beau. Là. Ce serait cool, ça. Je pense qu'il faudrait se faire une partie de Clou Penny Dreadful. Oui. Ouais, ce serait vraiment le fun. Oui. Puis non, Mathieu Boivin n'a pas peur. Il n'y a pas de cuisinier dans le Je voulais mentionner, as-tu vu le trailer qui est sorti pour Krampus? Non, j'ai pas regardé. Du réalisateur de Trick or Treat. Oui. Mais c'est drôle, moi j'étais certain que ça serait encore une anthologie, mais qui se déroule durant le temps de Noël. Non, mais c'est vraiment un film avec une histoire, mais... Ça a l'air vraiment bon. Là. Je suis vraiment impatient de voir ça. Je n'étais pas très familier avec cette vieille histoire-là qui non, il avait parlé un peu dans le podcast. Que je pense que c'était dans le Movie Crypt ou peut-être dans Killer POV. Il avait parlé en entrevue de ce mythe-là qui n'est vraiment pas connu, qui voulait ramener à l'avant-plan. Là, puis, ça avait l'air intéressant. Sacco vient de ramener ça. Daredevil, là, il serait temps que tu l'écoutes aussi, Jeff. Puis tous ceux qui n'ont pas vu Daredevil, écoutez ça, moi, à date. C'est difficile de dire ça, je suis pas le gars qui écoute le plus de séries, mais c'est la meilleure série que j'ai vue cette année, puis c'est dans mon top, là. Je suis tellement impatient de voir la saison 2. Ça va vraiment être quelque chose. Ça me fait penser parce que l'acteur principal de Daredevil, il est dans Boardwalk Empire. J'ai pas encore fini Boardwalk Empire. J'ai juste écouté les deux premières saisons. J'ai les quatre saisons ici en coffret DVD. Puis la cinquième, je m'en procurerai éventuellement. Mais c'est une autre série que j'adorais. Puis j'ai pas encore fini. Puis ça me fait chier là, de ne pas avoir eu le temps de le finir. Mais je vais le prendre éventuellement. Il y en a tellement. Là, c'est fou. C'est drôle. Je ne l'ai pas mentionné. Mais j'étais comme dans une passe de Andy Sidaris. Mm. Tu sais, Sylvain avait fait une coupe de vidéos, Hard Ticket to Hawaii. Puis j'avais acheté le coffret des 12 films. Puis, ouais, moi aussi, je l'ai. Il y a quelqu'un sur mon Instagram qui, lui, il a réussi à s'acheter au fil des années. Le gars, il est comme dans la quarantaine, fait que ça ne m'étonne pas. Mais il y a comme toutes les vieilles éditions séparément de chacun des films avec les pochettes. Ça m'a comme donné envie de les revoir. Fait que de temps en temps, à chaque soir, avant de faire de dos, je me mettais un film de ça. Puis, maudit que c'est le fun. j'ai vraiment du plaisir avec ça. C'est une nudité gratuite, c'est stupide. Puis, quand Sylvain a fait son premier vidéo, c'était quoi? C'était Malibu. Ticket to Hawaii, je crois. C'est Malibu Express. Quelque chose comme ça. Meilleur dans le fond. J'ai acheté le coffret. Puis, ça fait quoi? Quasiment 2 ans, puis j'ai pas encore regardé un seul film. Tu sais, ça me fait chier, là. J'ai pas pris le temps de le faire. Commence avec les meilleurs, commence avec les deux que Sylvain a critiqués. Mais moi, ce que je veux faire, c'est les regarder dans l'ordre, en fait, dans chronologique. Parce que je sais que c'est pas une série, mais en même temps, je pense qu'il avait dit qu'il y avait des petits liens des fois de temps en temps. Ou peut-être que j'ai lu ça quelque part, mais il y a des petits Ouais, liens. Mais c'est vraiment minime, là. Je veux dire, en tant que tel, ça se relie. Plus ou moins, mais Sylvain m'avait dit la même affaire, écoute-les, assez de les écouter dans l'ordre. Moi, je préfère écouter les affaires dans l'ordre. Fait que, tu sais, comme moi, là, j'écouterais pas Wet Hot American Summer, la série avant, là. Moi, j'écouterais le film avant. C'est quoi, t'essaies-tu de me reprocher que j'ai commencé la série avant? Et moi, là, je ferais ça comme ça. Comme gars, Sako, il dit qu'il écoute pas de série, mais la dernière fois qu'il a écouté une série, c'était Buffy. Buffy, j'ai fait, quand je les avais écoutés, j'ai même pas encore fini. En fait, j'ai jamais fini la 7e saison, j'ai jamais fini Angel. Mais ce que j'avais fait, j'étais tellement nerd. J'ai écouté. J'ai commencé Buffy, puis rendu je pense au début de la 4e, que là, tu commences à écouter Angel en parallèle. J'avais trouvé un site internet qui me marquait quel épisode fallait écouter dans quel ordre de quelle série, parce que Buffy puis Angel se croisent de temps en temps. Il y a des crossovers une histoire qui va commencer dans Buffy, qui va se finir dans Angel, ou le contraire. Puis là, tu sais. Il y avait un site qui me disait exactement dans quelle heure d'écouter les épisodes. Fait que c'est ça que je faisais. Je suivais l'ordre. Puis, c'est ça qu'ils font en ce moment. Maintenant, c'était comme trop. Puis j'ai fait OK, tu sais, je me suis écœuré un peu. Là. C'est ça qu'ils font en ce moment avec la série Arrow puis The Flash. T'as des crossovers puis des épisodes qui se relient aussi également. Dans un type différent, il avait fait la même chose avec Grey's Anatomy puis Private Practice que j'avais commencé deux séries. Mm. J'ai fait après 4 ou 5 saisons de Grey's Anatomy, j'ai fait fuck it, là, c'est tout appareil. Puis, j'ai vu toutes les placements roses, puis j'ai vu toutes les urgences avec George Clooney. T'as vu ER, c'est 15 ans, je pense. Là. Ouais, je sais, j'étais jeune, là, mais je veux dire, je les suivais avec ma mère à la télévision. Ouais, mais je veux dire, t'as vu jusqu'à la toute fin, ça a duré quasiment 15 ans l'année, la série. Là. 15 ans? Ben, bon, j'ai coupé des saisons de bord. Ça a commencé en 94, puis ça a fini genre en 2007 ou 2008, je pense. Oh boy, non, OK, non, je me suis pas rendu jusque-là. Là. Je vais juste checker, voir sur IMDb. 94 à 2009. Mon Dieu, c'est pire que Virginie. C'est 15 ans, c'est ce que je disais. J'ai... T'as peu, qu'est-ce que je voulais dire? De quoi je parlais justement? De Buffy et Angel. Ouais, c'est ça, dans le fond... Non, j'ai Angel, en plus, je voulais voir l'épisode avec les marionnettes, puis je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais essayé Angel, puis je suis quelqu'un qui a adoré Buffy, parce que ça a été une de mes premières séries avec X-Files qui m'a fait aimer les TV shows. La première saison, elle est fun, mais ça a l'air d'un show de policiers des années 90, là, un show de détective, en fait. Tandis que à partir de la deuxième, c'est vraiment trippant. Là. La mythologie se crée, là. Angel se sépare vraiment, le show se sépare un peu de Buffy, là, ça devient d'autre chose. Mm-hmm. C'est vraiment le fun. Son équipe se forme, puis à partir de la deuxième, c'est vraiment trippant. J'ai fait jusqu'à la fin de la troisième, je pense, au début de la quatrième, quelque chose comme ça. Sylvain vient me dire, mentor Steven, t'as pas vu Place Melrose. Je te le jure, Sylvain, je les ai tout écoutés avec ma mère, les Place Melrose, puis je me rappelle de plein d'épisodes. T'as Ce que je me rappelle le plus, là, c'est le méchant de Starship Trooper, celui qui se fait sucer la cervelle. Il joue dans Place Melrose, il joue un médecin, puis il sort avec, je me rappelle plus le nom de la fille, mais je sais qu'il est super violent, puis à un moment donné, elle va finir par le tuer, je pense, avec une pelle, elle va l'enterrer, mais il va revenir, puis elle va pas arrêter d'halluciner qu'il est là, mais finalement, il est pas là, mais en fait, il va être là. Puis... Ça, c'est le génial acteur qui est dans Spider 3D, là. Oui, le génial acteur qui est dans Spider 3D. J'ai peut-être pas vu. Je pense que j'ai peut-être manqué les premières saisons, mais après ça, je les ai toutes suivies avec ma mère parce que je veux pas les écouter à chaque soir. Puis j'ai fini par embarquer, c'est drôle. Mais... Ta mère, elle écoutait-tu Baywatch aussi? J'ai vu quelques épisodes, mais non, elle était pas fanatique de Baywatch. C'est plate, Baywatch. Je veux dire, à part voir les comédiens courir au ralenti, Pamela Anderson puis David Hasselhoff, je vois pas d'intérêt de regarder Baywatch. C'est du monde qui va sauver des gens qui se naillent. Je sais pas, tu sais, moi dans ma tête, c'est un peu relié, là, c'est des trucs un peu quétaine des années 90, mais. Il y a eu Baywatch Nights aussi à un moment donné. C'est une somme de. C'était quasiment surnaturel, si je me souviens. Avec comme des... C'était à cause de l'influence des X-Files, je pense qu'il avait fait un genre de Baywatch, mais mélangé avec des. Oui, trucs c'est vrai. Ouais. Qui se passaient la nuit, tu sais. Tu dis que c'est la meilleure série ever, Place Melrose, Sylvain. Qu'est-ce que t'attends pour faire une vidéo? Ok, ça serait trop big, il y a trop de saisons, mais je sais pas, tu y vas avec tes épisodes favoris, puis je sais pas, juste faire un genre de best-of de Place Melrose avec tes opinions, parce que ça me rappellerait des souvenirs, puis en même temps, je serais curieux de revoir ça, mais t'as-tu essayé la nouvelle série? Ou c'était plutôt, ma question aussi. De Place Melrose, je veux savoir s'il a commencé, parce qu'il avait, il est arrivé dans la même affaire, j'ai vu aussi la plupart des Beverly Hills 90. Ouais, Nine to Nine. Puis j'ai pas essayé la nouvelle parce que je suis plus là-dedans. Moi, j'avais essayé un épisode, puis j'ai décroché. Je voyais un peu le genre. Là, c'est une nouvelle gang avec les anciens qui sont là, soit en tant que conseiller, en tant que prof ou peu importe. Puis quelques anciens, mais pas. C'est un peu comme le nouveau Dallas aussi qui est sorti il y a quelques années. Oh! Dallas. Tu sais, y a-tu de quoi de plus plate que Dallas? Tu sais, sérieusement, là, je me rappelle quand les vieux épisodes, je jouais à TVA, puis j'étais comme wesh. Fait que je suis comme. Vraiment, y a-tu du monde qui était intéressé à voir un Dallas moderne? Là? Y a-tu un public cible qui se soit. Ben, je pense que oui. Je pense qu'il y avait du monde qui voulait revoir JR. Ça. Je veux dire, c'était plein de revirements, c'était plein de manigances, toutes sortes d'affaires dans cette série-là. Là. Un peu comme Dynasty et toutes ces séries-là. T'as-tu essayé Perry Mason? Ma copine est fan finie des Perry Mason. Non, je sais, mais non, j'ai jamais essayé. Je sais ce que c'est, mais ça a duré longtemps, Perry Mason, en plus, je pense. Oh, Sylvain dit qu'il y a des projets dans l'air. Ben, Krim, si ça tente qu'on se fasse une soirée Place Melrose, là, ça serait cool. Deux bouteilles de vin, des chips, des croustilles, Place Melrose, beaucoup de rire. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'est ça, je pense qu'on a fait pas mal le tour de ce qu'on a vu récemment. Ouais, je pense que on s'amuse juste à discuter pour le fun. Ben, c'est tout le temps fun. Ben, pas, c'est ça. T'sais, moi, tellement, je me fixe pas de temps. T'sais, le monde, ils peuvent l'arrêter ou quitter quand ils veulent. C'est comme... Non, c'est juste que tu travailles demain et il est tard. C'est juste 11h18. Je me couche tout le temps vers minuit et demi. Fait que ça me dérange pas vraiment. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais aller mettre pour... C'est plate parce que je crois que j'aurais continué avec Flower in the Attic 2014. Là, je serais dans le mood pour le voir vu que je viens de me taper le vieux. Ben, regarde-le. Je l'ai pas. Ah, tu l'as pas, ok. Non, c'est ça, je l'ai pas, puis il est pas sur Netflix. Non, c'est ça que je me dis. Fait que je vais aller le chercher demain. Juste avant que j'oublie, on l'a nommé, je l'ai dit à la fin de notre épisode régulier, mais je vais leur dire, la semaine prochaine, on fait un épisode de, voyons, comment est-ce qu'on avait appelé ça? D'Expédition qui tourne mal. Oui, exactement. Avec notre classique, ça va être Délivrance, puis notre navet, ça va être Cannibal the Musical. Que tu n'as jamais vu. Que j'ai jamais vu. J'ai déjà vu Délivrance un million de fois, mais j'ai jamais vu Cannibal. Puis, ben, je ne le nomme pas tout de suite, mais on va avoir un invité spécial qu'on n'a jamais reçu au podcast. Et ça va être très intéressant, je pense. Ça va être le fun. C'était surtout aussi que j'ai pas de faire Cannibal. J'ai pas revu Cannibal de Musical depuis tellement longtemps. Puis Délivrance, mais comme toi, c'est un film que j'ai vu. Je sais plus compter le nombre de fois. Ouais. Ah, je pense que ça va être ça la musique que je vais mettre tantôt à la fin de cet épisode-là, la version podcast. Ben, tu veux pas garder justement pour l'épisode Délivrance, non? OK, qu'est-ce qu'on mettrait tantôt? pour le podcast. Tantôt, qu'est-ce qu'on va... Ben, pas de tantôt, mais c'est ce qui va jouer dans le podcast. OK, ça, c'est un sujet, ça me tentait de parler, c'était vraiment nowhere. Là, je te demande de mettre cette tune-là parce que c'est juste nowhere, mais vraiment nowhere, je te préviens, là. Je m'amusais à chanter des vieilles pubs de jeunesse qui me restaient en tête. Puis j'allais te demander, c'était quoi ta pub préférée? Moi, j'en ai deux. La première que je chantais tout le temps, puis t'es pas obligé de la mettre, là, c'est juste que je trouve qu'elle reste en tête. Tu sais, c'est le... Nous clampantons pour déménager. Ben oui. Faut signaler le 937-0707. Ah, je l'ai chanté toute la semaine, celle-là. T'as-tu déjà entendu la version chantée par le groupe québécois Yellow Molo? Non. OK, ils ont fait... Ben, c'était à la fin d'un CD. Sur ce CD-là, ils font la toune de Goldorak, ils font la toune des Mystérieuses Cités d'Or, puis ils font le petit castor. Puis à la toute fin du CD, t'as une toune cachée, ce qui dure 10 secondes, 15 secondes. Puis c'est un gars, c'est un des gars du groupe en studio qui faisait juste niaiser, puis chantait la toune du Clampanton, puis ils l'ont enregistré, puis ils l'ont puis c'est vraiment bon, cette version-là. Ou la vieille chanson de Pizza de Nini. Là. Pizza de Nini, allez, viens, tu vas te une chanson de publicité que moi, j'étais sûr que tu allais nommer celle-là, c'est la Juicy Fruit. Ouais, Juicy Fruit, ouais, évidemment, c'est une que j'ai connue beaucoup par cœur aussi. Là. Puis, c'est le style de tune de l'affaire de pizzeria, là, comment ça s'appelle? Resto Bar Grill, là, comment ça s'appelle? Ah oui, Resto Bar Grill... J'ai oublié le nom, là, mais... Je me rappelle plus exactement des paroles, mais c'est... Faut pas chanter, là. Mais le pire, c'est que c'est des choses qui... Tu sais, ce resto-là, il existe encore. Le Clampanton, étonnamment... Barbies. Ouais, c'est ça, Barbies, qui existe encore. Le Clampanton existe encore. J'ai vu récemment des annonces, et ce sont les mêmes annonces que des années 90. Tu sais, le Clampanton, tu vois vraiment la fille avec le gros, la grosse chevelure typique, puis avec son vieux téléphone, puis « Clampanton, bonjour, j'ai besoin de déménager. » Vous n'avez pas assez de budget pour faire une nouvelle annonce de quoi? Ah, je trouvais ça tellement drôle. Moi, l'annonce de radio, il y a même encore, c'est la même annonce que quand j'étais jeune, c'est pour la place Versailles à Montréal. À la place Versailles, à la place Versailles. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Encore ça, ils mettent la même. Ils ne prennent même pas la peine d'essayer de moderniser ça. Ah, moi, je pense que les annonces que je préférais, c'était ceux-là de Pepsi, avec Ding et Dong. Oui. Claude Meunier, oui. Claude Meunier. Ils sont vraiment le fun aussi. Oui, ben, à un moment donné, ça finit par devenir redondant pas mal là, au fil du temps. Là. Les dernières étaient moins le fun. Là. Non, c'est vrai. C'est un peu comme Benoît Brière puis Belle, à un moment donné, c'était ou François Mascotte avec les éponges. Ah, ça, c'est affreux, ça. Scott Towell, oui. Scott Towell, oui. J'aime pas François Mascotte, fait que c'est pas grave. Fait que... Non, c'est ça, c'est spécial, lui. C'est rare que tu retrouves quelqu'un qui dit « Moi, j'aime François Mascotte, tu sais. » Quelqu'un qui va être capable de faire un macaron, François Mascotte, tu sais. « Moi, je suis un fan. » T'as tout le temps les humoristes super populaires que t'entends tout le temps sur la bouche du monde. Jean-Michel Antille, Martin Matt, Louis-José Hout. Puis t'as les vieux de la vieille qui sont là depuis 15-20 ans. Mais jamais j'ai entendu une personne dans mon entourage dire que j'adorais cet humoriste-là. Tu sais, comme Stéphane Fallu, là, il est là depuis longtemps. Mais y a-tu vraiment des fans de Stéphane Fallu? Ben, à chaque fois, t'écoutes un show en DVD de ces humoristes-là. C'est tout le temps dans une petite salle avec un mini public. Ça a tout le temps l'air d'un show privé, mais c'est parce qu'ils sont même pas capables de remplir la moitié des salles que les autres humoristes arrivent à faire. Puis... C'est comme moi. Ouais, François Mascotte, non? C'est dommage, Sacco, que tu ne puisses pas nous chanter Distribution au consommateur parce que je me souviens pas de la toune. Oui, moi non plus, je me rappelle pas. Il y avait une toune, mais c'est juste la pub que tu aimes en tant que telle. Mais je me rappelle du magasin, ça c'est clair, là, je me rappelle vraiment beaucoup. Là. On en avait un à Jonquière, puis non, c'est ça. J'étais jeune, puis tu arrivais là, puis tu remplissais ton petit. Tu checkais dans le catalogue, là, tu remplissais ton petit papier, puis là, tu allais le chercher au comptoir. Où il avait fait aussi une version dans le temps qu'il y avait de la pub pour la ronde. Il avait pris l'autre toune. J'ai 16 ans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais il avait changé les paroles. C'est comme je vais à la ronde encore ou de quoi de même. Puis ça, avec ça, m'était resté pas mal en tête. Plastique Bertrand. Plastique Bertrand. Ouais. On a l'air d'être des vieux nostalgiques qui s'ennuient du passé puis qui font pitié. RBO a fait une parodie de distribution au consommateur. Oui, il me semble. J'ai pas dit qu'il était drôle. Là. Non, il dit fallu, il est sexe. Ça, pour je vrai, peux pas dire. Fallu, il est sexe pour vrai, Sylvain? je sais pas, Stéphane Fallu, je le vois comme le gars correct. Tu sais, dans le genre, c'est comme il est tellement fin que j'ai envie qu'il soit mon ami, mais jamais plus. Là. J'ai l'impression que c'est le gars qui pourrait jamais avoir être blonde, justement à cause de ça, mais il y en a une. Pas que je veux juger, là, mais. C'est drôle que tu dises ça, Sylvain, parce qu'il y avait eu. Il y avait eu un épisode avec les 1001 coups sur TVA, l'espèce de nouvelle émission qui se la joue surprise, surprise, version moderne plate, qui avait un épisode avec Stéphane Fallu, puis la joke, c'est qu'il était au restaurant avec son chum, puis il y avait une gang de jeunes filles de début vingtaine qui allait le voir, puis qui était comme « je te trouve vraiment sexe », puis il donne son numéro de téléphone, puis tu voyais qu'il était comme « wow », puis... Puis de l'autre côté, tu voyais Jean-François Mercier qui, lui, se faisait cruiser par le serveur. Là. Il disait « Hey, c'est le monde à l'envers, c'est moi qui se fais cruiser par les belles filles, puis toi par le serveur. » Puis j'avais trouvé ça drôle. Ami avec bénéfice. Ouais, on peut dire ça. La manière que tu le décrivais, moi, je pensais plus à un genre de gars qui est condamné dans la friend zone tout le temps. Là, mais... Ouais. Ben, tu sais, genre comme, je sais pas moi, John Candy, tu sais. Tu l'imagines pas avec une femme? Non, je l'imagine pas avec une femme. Tu sais, il est tellement fun pis drôle, John Candy, mais je le vois pas avec une femme. Tu sais, il y a des personnes que tu vois pas avec quelqu'un à cause de ça. Ouais. Mais il y a eu une couple de rôles où il y a eu quand même des blondes, là. Ouais, mais je trouvais pas ça crédible. Je dis pas ça parce qu'il est gros, là, ça n'a aucun lien avec son poids, c'est vraiment en tant que personne, mais ça, je le vois. C'est l'image que j'ai, mais en même temps, j'ai tellement écouté les films de John Candy depuis que je suis jeune que j'avais pas cette vision-là de lui. Je voyais pas les acteurs ou les films que j'aimais de cette manière-là, fait que ça faisait bizarre. Sinon, moi, je sais même plus quoi parler. Là. Moi non plus, je tourne en rond, je dis n'importe quoi. Puis, J'ai passé la journée à... Ben, pas la journée, mais j'ai passé un bout de temps à fucker sur l'Internet, à essayer de comprendre qu'est-ce qui marchait pas que mon ordi. C'était même pas mon ordi. Puis j'ai appelé le gars de Cogeco, puis en fait, ça a pris du temps, mais que je m'en rends compte, j'avais un message dans mon browser de Cogeco qui disait, ben, on a arrêté, interrompu le service Internet parce que il y a eu une violation de nos termes et services, là, de notre contrat de Fait que j'ai appelé, il y avait un numéro qui accompagnait ça, j'ai appelé, puis le gars il me dit, ouais, il dit, on avait envoyé un courriel à tous ceux qui avaient des routeurs de marque D-Link, comme moi j'ai, puis que c'était un setting qu'il fallait que je change dans le routeur, parce qu'il y a une faille de sécurité, quelque chose comme ça, là, t'sais, que ça se pourrait qu'à cause de mon setting, que leur système à eux soit en danger, ou quelque chose comme ça, fait que c'est pour ça qu'ils avaient interrompu mon service. Fait que moi, j'ai passé du temps à fucker. Avant de savoir ça, j'ai passé du temps à fucker sur mon ordinateur, sur mon routeur, mon modem, à essayer de comprendre qu'est-ce qui marchait pas, avant de me rendre compte que c'était eux autres qui l'avaient bloqué à cause de cette affaire-là. Fait que j'ai changé le setting sur mon... En sachant ça, j'ai changé le setting sur mon routeur, puis maintenant, ça marche. Puis si la première chose que tu aurais faite aurait été de téléphoner, ben, tu en doutes qu'ils auraient déjà vu que c'était ça, mais... Eh oui. J'aime pas ça, téléphoner, mais bon. Pourquoi? C'est vrai que c'est long, c'est plate d'appeler. C'est parce que j'ai un nom compliqué à dire en anglais, puis ici, tout se passe en anglais. T'as un nom compliqué à dire en anglais? Ben oui, c'est un nom qui est soit faut que je l'appelle, mais juste le dire, tu sais. Les anglophones, ça, savent pas comment dire mon nom, tu sais. Comment tu le dis de manière anglophone? Ben, en général, je vais juste me dire que je m'appelle Jean, tu sais. Je vais juste dire, c'est Jean, puis là, je vais l'appeler, tu sais. J-E-A-N, Jean. Puis ils vont comprendre Jean, ça ils comprennent. Okay. François, puis Tremblay, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais je vais dire Jean Tremblay. Puis ça me fait encore plus chier parce que c'est le nom du maire à Saguenay. Puis que... J'essaie de dire mon nom complet, mais non. Moi, j'aurais moins de la misère à m'adapter avec mon nom anglais, Steven. C'est plus mon nom de famille qui serait plus compliqué, le François. Mais c'est ça, c'est François qui est compliqué aussi, c'est ça. Fait que non, tu sais, je m'habitue, là, mais... peu à peu, ça fait quand même 4 ans que j'habite en Ontario, mais j'haïs ça dire mon nom en anglais, j'haïs vraiment ça. Puis là, tu sais, tout le monde me demande pourquoi t'es pas Jeff, mettons, parce que GF, Jeff, tu sais, mais... Ouais, Jeff. Ouais. J'aurais la misère à l'expliquer. Ça s'explique, là, tu sais, pourquoi, mais tu sais... J'aurais même pas besoin de l'expliquer au monde pourquoi je m'appellerais Jeff, mais c'est pas moi, Jeff, c'est pas... Tu sais, je sais que toutes mes amies, depuis que je suis jeune, m'appellent Jeff, mais je préfère dire au monde que je m'appelle Jean-François ou... Je sais pas, tu sais, c'est... Puis tu t'aurais sans doute fait niaiser avec... My name is Jeff. Que je sais pas si t'as vu cette passe-là qu'il y a eu à cause de la suite de 22 Jump Street. Non. OK. C'est vraiment un bout de 5 secondes. C'est vraiment stupide et drôle, mais après, il y a eu une grosse vague à cause de ça. Puis sur les Vines, puis tout ça, tout le monde utilisait ça constamment. Puis même quand je travaillais au Target, tout le monde dans le staff n'arrêtait pas de dire ça. « My name is Jeff! » Puis je trouvais ça vraiment drôle. Mais de toute façon, toi, t'aurais juste à leur dire « Tu t'appelles Gaylord. » Gaylord, ben oui. Hein? C'est le nom que tu aurais toujours voulu. Fait que... que j'aurais toujours voulu, non. Tantôt, tu m'as demandé si je pouvais changer de nom. Si j'avais un autre nom, ça serait quoi? Gaylord. Ben, c'est ça. Mais... Le premier nom ouais, qui s'appelle. Ouais, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'y. Je le trouve glorieux, ce nom-là. Mais Sylvain dit aucun anglophone ne sait dire Sylvain. C'est vrai parce que je me rappelle avoir entendu Ryan Turek dire son nom dans le broadcast alors qu'il répondait à un commentaire de Sylvain. Il avait dit genre Sylvain de Monty, quelque chose comme ça. Mais c'est drôle que tu vois des comédiens français justement qui jouent dans des films américains puis que leurs noms sont nommés. Je me rappelle, j'avais vu une interview de Martin Scorsese par rapport à The Wolf of Wall Street. Puis il parlait un petit peu de Jean Dujardin. Puis il était comme John Dujardin. Puis je pense que c'est tellement le fun. J'ai du plaisir à voir les anglophones essayer de prononcer le nom des Français. Écoute des fans, des podcasts de cinéma qui essaient de parler de Denis Villeneuve. C'est tellement drôle, là. Ah, ouais, c'est quelle franchise? C'est Alien? C'est quel film qu'il veut faire déjà? C'est Blade Runner. Ouais. Quand il a annoncé Blade Runner, j'écoutais le Killer POV, je pense, puis il disait Denis Villeneuve. Et il savait pas trop comment dire. Ben, Jean-Marc Vallée, ça doit être. C'est terrible aussi. Jean-Marc Vallée. Ces gars-là font carrière aux États-Unis, puis moi, je m'inquiète d'appeler chez Cogeco, tu sais. C'est ridicule. Je suis ridicule. Ben non, on a tous nos petits trucs qui nous empêchent. C'est pour ça que j'haïs appeler pour un rendez-vous, mettons, chez le médecin. Peu importe, n'importe quel rendez-vous, c'est comme dire mon nom, ça me bloque tout le temps, mais c'est ridicule. Sur le chat, ils s'amusent tous assez de prononcer le nom de Sylvain. Sylvain. Demanti. Sylvain Demanti. C'est drôle parce que quand tu avais fait ton premier épisode du Bras de Fer, tu avais fait la version anglaise, puis j'étais comme. Comment tu l'appellerais en anglais ton show? Est-ce que ça resterait le Bras de Fer? Ah, je l'avais traduit quasiment littéralement. J'avais dit c'est le. J'ai expliqué ce que le titre voulait dire. J'ai dit c'est un arm wrestling match. Le movie is an arm wrestling match. Je comprenais que tu voulais faire les deux pour peut-être aller chercher plus de monde, mais c'est tellement de la job. Là. C'est de la juste... job parce que j'ai fait. Énormément de prises pour arriver à faire un petit 40 minutes, là, tu sais, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de prises, j'arrêtais tout le temps. Parce que c'est long, quand même, de soutenir 40, 45 minutes en anglais tout seul, tu sais, c'est même pas une conversation, c'est juste... J'avais beaucoup, beaucoup de notes, ça m'aidait, là, je lisais des trucs, mais ce que j'ai trouvé aussi, c'est qu'une fois que j'ai déjà dit mon opinion sur un film, ou que j'ai déjà fait un podcast là-dessus, ça m'intéresse plus de le répéter, tu sais. Ouais. Comme quand, à un moment donné, on avait raté un épisode sur... j'avais... Showgirl. Foiré l'enregistrement sur... C'est Showgirl? Showgirl ouais, avec Sylvain, puis on était quasiment plus motivés, puis on a pareil décidé de le refaire, puis... Mais on l'a refait avec quelqu'un d'autre, on l'a refait avec Caroline. Caroline, oui. Fait que ça nous a donné un petit peu du... ça nous a reboosté un peu pour le faire, mais c'est ça, c'était pas évident, parce qu'on avait déjà tout dit ce qu'on avait à dire, tu sais. Ouais, ça avait fait ça aussi avec Horror Gamer, on avait fait un épisode... que ça a super bien coulé, on avait eu du gros fun, puis finalement, quand Pierre l'avait écouté, il y avait un son de merde par-dessus nos voix, puis on n'entendait pas grand-chose, puis on était comme « Ah, fuck! » Parce que, tu sais, sur le coup, quand on fait un épisode, on connaît pas nos opinions. Tu sais, quand on va faire le classique, je sais pas si t'as aimé le film ou tout ça. Fait, c'est le trip de découvrir les opinions puis de débattre. Tout vient naturellement. Tu sais, c'est pas automatiquement. Tandis que quand on recommence un épisode qui est raté, tu vas essayer de répéter ce qu'on a dit sur le premier épisode. L'effet de surprise n'est plus vraiment là. On connaît l'opinion de l'autre. Fait, c'est pour ça que moi, je suis moins motivé à refaire un quand on l'a loupé. Là, parce que c'est pas pareil. C'est pas le même vibe quand tu l'écoutes. Mais j'aimais ça, le challenge d'essayer en anglais. Puis je me suis souvent dit, je disais, au pire, ce que je pourrais essayer, c'est de me trouver quelqu'un ici des environs où ce que je reste. J'en ai des amis ici qui aiment le cinéma. Tu sais, me trouver quelqu'un puis lui demander, ça te tente-tu qu'on fasse le même concept, genre, mais avec cette personne-là, mais avec d'autres films, tu sais, pour pas répéter, pour pas que moi, je répète les mêmes affaires, tu sais. Que... Mais je sais pas, c'est une idée là, que je mettais, ou partir un autre podcast de d'autres choses, là, juste pour me pratiquer, juste pour le fun, tu sais, parce que... Ou de partir un podcast entièrement anglais, tu sais. Ben c'est ça, juste ça je veux dire, un autre podcast totalement anglais, tu sais, juste pour m'habituer à parler plus en anglais, tu sais. J'habite dans une ville en anglais, mais je parle plus souvent à ma blonde qu'autre chose. Ben c'est ça, tu sais, je parle avec du monde, tu sais, je connais du monde ici, mais c'est ça... Ouais. T'es-tu intéressé par changement un peu de sujet, par le nouveau Shyamalan? Je me rappelle plus si je te l'avais demandé de visite. Non. Non. Honnêtement, non. Je pense que la plupart des gens ont comme lâché prise avec les derniers mauvais films qu'il a fait. Ah, moi, j'ai lâché avec The Happening, ça fait quasiment 10 ans. Là, ben, c'est pas mal le dernier que j'ai lâché après. J'ai pas regardé The Last Airbender, ça m'intéressait pas pantoute. Puis. Mais celui-ci, c'était comme un peu un retour au film à petit budget puis à l'horreur. Puis à date, les reviews sont quand même bonnes. T'sais, sans que ce soit le film de l'année, le film est quand même bien reçu. Enfin, je me dis, c'est peut-être enfin son film de la rédemption qui va réussir à briser sa malédiction parce que je suis vraiment fan, moi, de ses deux premiers films. J'adore Le Sixième Sens, mais Unbreakable est vraiment un chef-d'œuvre puis un des meilleurs films de super-héros qui a été fait. Puis c'est... Arrête de danser, s'il vous plaît. Mais non, c'est ça. Unbreakable, c'est vraiment un film que j'adore. Puis je trouve ça plate que ce jeune réalisateur-là ait eu une carrière aussi... comment je pourrais dire? Aussi bordélique par la suite parce que ça l'a vraiment affecté. Tu voyais que le gars, il voulait pratiquement prendre sa retraite. Puis alors qu'au départ, son premier film, les revues, tu sais, le Times, tout ça, ça disait que c'était le nouveau Steven Spielberg. Puis ça a tellement pas été ça par la suite. Puis... après dire, je pense que c'est l'affaire la plus dure. Tu sais, quand tu débutes dans le cinéma, ton nom n'est pas connu. Tu sors un premier film qui est quand même une grosse sortie dans les salles. C'est un gros hit, tu sors de nulle part. Puis moi, ça me rappelle exactement Neil Blockman. Tu sais, il est arrivé avec District 9. Tout le monde a capoté sur District 9. C'était de la bombe. Ensuite, sa malédiction de Elysium qui est sorti son deuxième film qui est moins bon. Les attentes, le monde s'attend à ce que ça soit meilleur que District 9. Pareil pour Chappie. Puis je pense que... lorsque tu débutes en tant que réalisateur puis que ton premier film est un aussi gros succès, je crois que c'est un peu se tirer dans le pied puisque ça crée beaucoup de difficultés puis de peur d'essayer de faire de quoi qui va être dans les attentes des gens. Mais c'est que souvent, les critiques vont trop se fier à ça. Tu sais, tu lisais, mettons, j'ai regardé sur Rotten Tomato puis ils montraient des vieilles critiques qu'il y avait eu à l'époque d'Unbreakable. Puis, il disait qu'Unbreakable était moins bon parce que son twist était moins efficace que celui de Sixth Sense. Mais comment tu peux comparer deux films juste à cause du twist alors qu'ils sont complètement différents, vraiment pas le même sujet, qui vont dans des directions complètement différentes? Comment tu peux dire qu'Unbreakable n'est pas bon juste à cause que son twist, à tes yeux, est moins efficace que celui de Sixth Sense? Tu sais, je trouve que c'est un argument stupide. Puis, t'as plein de trucs de même que je voyais que je trouvais ça un peu dommage. Puis, mais sinon, j'ai quand même un petit peu hâte de voir de visite. Là. Ça m'a un peu motivé, les critiques. Puis, je me disais que c'était la dernière chance que je donnais à Shyamalan. Si c'était raté, ben là, vraiment, je suis comme j'abandonné. Mais justement, à cause que son film sortait, Honest Trailer, on sortit un sur The Happening. Puis, j'avais pas remarqué à quel point que Mark Wahlberg est vraiment drôle, tellement qu'il est mauvais là-dedans. Surtout la scène, t'as comme la vieille, c'est comme « Vous êtes venu dans ma maison pour me tuer. » Je pense que c'est avec Dee Wallace, si je me trompe pas. « Vous êtes venu dans ma maison pour me tuer. » Puis tu vois juste mon combat. « Non! Non! » c'est tellement mauvais, sa réaction. Ça n'a pas d'allure. Puis ça m'a quasiment donné envie de le revoir juste pour rire. Là. C'est tellement drôle. Il faudrait que je revoie Unbreakable parce que je m'en souviens pas tant que ça. Ça m'avait pas tellement marqué que ça. Là. J'avais beaucoup aimé Sixième Sens, j'avais beaucoup aimé Signs, mais j'ai pas tant embarqué que ça dans Unbreakable. Puis les autres films après ça, j'ai juste vu The Happening. J'ai pas vu Lady in the Water, puis j'ai pas vu The Village. Puis The Village, je me l'étais fait spoiler de toute façon par la série Robot Chicken à un moment donné. Fait que... De Village puis de Lady in the Water, c'est des films décevants. Sing, j'avais quand même bien apprécié à l'époque parce qu'il y a des bonnes scènes de frayeur. Il y a du bon puis du mauvais, mais encore là, je trouvais que c'était un film acceptable. Mm-hmm. Mais Unbreakable, je pense que c'est un film que tu vas beaucoup plus apprécier de nos jours en le revoyant. Je pense que tu vas peut-être plus porter attention aux détails puis à quel point c'est un film rafraîchissant. C'est vraiment un bon film. Puis Sylvain, c'est drôle, il dit... le twist de Unbreakable, lui, il m'a surpris. Ben, t'es pas tout seul, Sylvain, puisque Chantal, avec, elle avait vu The Sixth Sense au cinéma dans le temps, puis elle était à côté avec son ami, puis elle a comme dit, tu sais, ben ça, finalement, Bruce Willis, il est mort. Puis finalement, c'était ça à fait, puis elle a dit, est-ce que tu me fais chier? Tu viens de le spoiler, Steven? OK, come on. je pense que tout le monde a vu The Sixth Sense là. Puis si vraiment il y en a un là-dedans qui n'a pas vu ça, puis je viens de spoiler Bruce Willis est mort, mais gars. Sorry. Ça serait comme de dire Dark Vader c'est le père de Luke Skywalker. Là. De nos jours, ça n'a plus d'impact ce twist-là. Ou que le tueur dans la série de Scream, c'est le cuisinier. Le pire, c'est qu'à chaque fois que tu dis ça, j'ai peur que tu le dises pour de vrai, mais ça ne change rien, je l'ai vu, c'était qui? Mais t'as-tu aimé ça, toi, la révélation? C'est le chef dans South Park. Ça t'a-tu satisfait? Oui. Oui, ça m'a pas... comment je dirais? C'est... c'était pas inattendu. C'était une personne... Veux, veux pas, c'était quelqu'un en série. C'était pas quelqu'un qui sortait de nulle part. Fait qu'on pouvait s'y attendre, veux pas. Puis ça faisait partie de ma liste de suspects, là, tu sais. Mais j'ai pas été déçu par la finale. Puis ils mettent déjà en place quelque chose vers la fin pour la deuxième saison. Fait que je suis intéressé de voir. OK, il va y avoir une autre saison. Je pensais que c'était peut-être une saison et c'était fini. Non, il va y avoir une deuxième. Ça a marché là, pour MTV. Puis les critiques sont très bonnes en général. J'écoutais le podcast du Killer POV. Puis c'est des fans d'horreur. Puis un des gars en parlait. Puis il a vraiment beaucoup aimé la saison aussi. Là. C'est drôle, c'est bien la dernière chose que j'aurais dit qu'il y aurait du succès et que ça serait une bonne série parce que j'étais vraiment pas confiant au départ. Y a-tu des meurtres vraiment cool? C'est-tu quand même... Oui, il y a des scènes vraiment le fun. Je pense à un en particulier là, qui était assez surprenant. Là, puis, je révélerai rien. Là, t'es pas obligé de le dire. L'héroïne se ramasse avec le visage en sang à cause de cette mort-là, mais c'est tout ce que je vais dire. Okay. Mais, non, mais tu sais, les premières photos m'intéressaient pas, puis surtout à cause du masque, on n'a pas Ghostface, tu sais, puis c'est pas lui le tueur, c'est pas Ghostface, il s'appelle pas comme ça, tu sais. Puis aucune référence à ce qui s'est passé dans les films. Mais moi, j'aime ça, tu sais, je trouvais ça le fun qu'ils fassent une coupure, puis que ce soit une nouvelle histoire. Puis ils font des références dans la structure, la manière que c'est structuré. Tu sais, comme au début, tu as la fille qui reçoit l'appel, puis il y a qui se fait tuer, ça ressemble beaucoup à la scène avec Drew Barrymore, tu sais, puis... des affaires comme ça, puis dans le dernier épisode, à un moment donné, t'as une couple de références au film, comme à un moment donné, quelqu'un qui dit, bon, ben, il faudrait que j'aille appeler la police ou quelque chose comme ça, puis la personne dit, ben, dans la maison, il y a un téléphone, il y a une landline, c'est une ligne terrestre. Puis il dit, une ligne terrestre, on est quoi, en 96, là? Personne n'a de téléphone comme ça, tu sais. 96, ben, c'est l'année de sortie de Scream. Ouais. C'est des petites références comme ça, puis... Le gars qui est nerd, qui trippe sur les films d'horreur puis tout, puis qui fait tout des références à ça sur les différentes règles des films, comme dans le premier film, ben il est vraiment le fun, ce personnage. Il s'appelle Noah, puis je l'adore, il est vraiment, vraiment le fun. Mais je pense que dans n'importe quel film, tu fous un personnage qui est un fan de films d'horreur ou un geek qui va pas arrêter de dire des références, on va automatiquement s'identifier à lui puis l'aimer. Fait que je pense que c'est une formule gagnante, ça. Oui. sais, c'est comme de Monster Squad, tu sais, de voir un groupe de jeunes qui sont fanatiques de films d'horreur, puis avec des posters, puis tout ça. C'est tellement fun. Moi, j'ai tout le temps préféré celle-là. Pour moi, c'était mon Goonies, contrairement à d'autres que c'était Goonies, justement, parce que j'ai découvert Monster Squad avant Goonies, puis c'est un film que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. Je l'avais vu en VHS avec La Nuit des Frissons, ça c'était le titre français de Night of the Creep, puis quand on avait fait l'épisode, justement, il y a longtemps, d'Horror Gamer sur Fred Baker, puis qu'on en parlait de Monster Squad, puis c'était vraiment le fun, puis c'est vraiment un film que j'adore. Ça fait-tu déjà 2 ans qu'on a fait ça? Parce que c'était, je sais que c'était autour de l'Halloween. Oui, ça, je pense que c'est pas l'Halloween l'année passée, c'est l'autre. Fait que je pense que ça fait 2 ans. Ça fait au-dessus de 2 ans qu'on fait des Horror Gamers. C'est fou, hein? Oui. Qu'est-ce qu'il disait? Ah oui, t'as peu. Mais tout à l'heure, on parlait de M. Night Shyamalan puis de Sixième Sens. Dans le fond, le twist dans Sixième Sens, c'est le gros twist que personne ne parle, c'est que Bruce Willis se fait tirer dessus par un New Kids on the Block. C'est Donnie Wahlberg, le tueur, au début. Pour vrai? C'est vrai. Puis ça veut dire qu'M. Night Shyamalan a travaillé avec 2 Wahlberg, les 2 frères. Ah! Mais oui, il est tout maigrichon. Il s'est vraiment fait... Il est méconnaissable. Puis il est encore plus maigrichon dans le film Dreamcatcher, basé sur le roman de Stephen King. Là. Il est là-dedans aussi, puis il est encore plus maigrichon. Puis, C'est lui qui fait Dottie? Je pense que oui, c'est ça son nom, celui qui... Le jeune déficient? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Ouais, pendant un bout de temps, dans ces années-là, je pensais qu'il était malade. Je pensais que Donnie Wahlberg ne filait pas pantoute parce qu'il était tout le temps. Il faisait ces rôles-là, puis il était tout maigre. Puis après ça, il s'est mis à jouer dans Décadence. Puis dans ça, je pense que c'était le 2, le 3. Je me rappelle même pas d'avoir vu là-dedans. Coudon, il a vraiment joué dans plusieurs films d'horreur. Oui, c'est un bon acteur. Je trouve qu'il est meilleur que son frère, mais en tout cas. Ben c'est drôle maintenant que tu en parles, j'essaie de penser à une performance que je pourrais dire que Mark Wahlberg est écœurant, parce que globalement, je pense que tous les films de Mark Wahlberg, il est correct, il fait la job. Boogie Nights, parce que ça fit avec sa face, ça fit avec son corps, ça fit avec son style qui est un peu niais, un peu naïf, un peu imbu de lui-même, fait que ça fit tellement, dans le fond, il a juste à se jouer lui-même, puis ça marche. Il est Dirk Diggler, là, tu sais. Ben, en partie, là, je pense pas qu'il y ait le plus gros morceau de... Non, c'était une prothèse. Là. J'ai fait le saut, du coup, quand on avait vu le film. C'est comme... c'est une prothèse, là, ça se peut pas, c'est pas juste. Je sais que t'avais aimé Pain and Gain, moi j'ai pas vraiment aimé. Là, mais... Ouais, j'ai surtout été surpris venant de Michael Bay, je pensais pas qu'on aurait un film de cette trempe-là, mais... Je trouve que c'était trop niaiseux, les personnages étaient vraiment trop cons, là, je trouvais. Ben en même temps, ça a l'air que ça reflète la réalité. Là. C'est, les personnages étaient contre-cours dans la vraie vie. Non, mais moi, j'avais lu le contraire. J'avais lu que le film était vraiment pas réaliste par rapport à ce qui s'était passé dans la vraie vie. La vraie vie, c'était vraiment dramatique. C'était c'était super traumatisant ce qui s'était passé. Puis là, ils ont viré ça en grosse joke dans le film. T'sais. Mais c'est con. Je trouve ça con. Parce que tu as une grosse scène où que je pense que c'est The Rock. Je suis certain, ou Mark Wahlberg, un des deux, qui est vraiment plus là. Il a trop pris de drogue. Puis il est en train de faire cuire une main sur un barbecue. Mm-hmm. Puis là, le film fait un freeze. Puis tu vois juste un écriteau qui dit ce qui se passe à l'écran n'a pas été rajouté. Ça s'est vraiment passé. On n'est pas dans un film. Fait que j'étais comme, OK, là, c'est vraiment passé que le gars est en train de faire cuire une main sur le barbecue. Puis je pense que tu m'avais dit à l'époque que ça c'était même pas arrivé, je crois. Ben, faudrait que j'en lise sur le sujet, faudrait que j'en voie le film pour être sûr, mais c'est ça. Non, il y avait des éléments. Les vrais événements étaient beaucoup plus dramatiques que ça. Là. Oui, les personnages étaient cons, là, mais c'était pas aussi con que ça. C'était pas aussi cartoon. C'était pas une comédie. Là. Non. Il y a des gens qui étaient reliés à ce qui s'était passé dans la vraie vie, qui étaient vraiment contre le film, là, parce qu'ils disaient « Vous avez fait une parodie de ce que nous autres, on a vécu, puis ce qu'on a vécu, nous autres, c'est traumatisant. Tu sais. Mm-hmm. Vous avez viré ça en joke. Sinon, je l'annonce pas. Non, je vais attendre. Parce qu'on on va faire un épisode spécial au mois d'octobre. On va parler d'un film qui va sortir au cinéma. Je ne le dirai pas tout de suite, c'est quoi, mais on en a parlé un peu. Puis on va aller voir un film au cinéma, puis on va en parler. Juste focusser sur lui, je pense. C'est rare qu'on fait ça. Oui, c'est la première fois qu'on fait ça, en fait. Mais je voulais le faire. En fait, il y a un film, je pense qu'on a fait ça, mais on n'était pas concentré sur le film. Là, je pense qu'on va vraiment se concentrer sur le film. On avait fait pour Furious 7 qu'on avait fait le Time Out. Puis ça a tellement duré 40-45 minutes que finalement, c'est préférable de faire un épisode sur le film. Bon, oui, mais c'est ça. Puis on avait fait un épisode sur Edine the Cruisers 2, mais c'est pas... Ouais. Là, je parle vraiment d'aller voir un film puis de se poser la question. Au début de l'épisode, la question, ça va être, c'est-tu un futur classique? Pas un futur classique. C'est-tu une réussite ou c'est un navet, t'sais? Parce qu'il y a beaucoup d'attentes pour ce film. Je trouve ça cool que tu intègres ça, puis je crois que ça pourrait nous donner l'occasion de faire une couple de fois, de se dire, hey, on va voir ça au cinéma, puis on fait un épisode. Les films qui ont des attentes, là, puis les gens l'attendent soit avec un fanal, soit que ils attendent le réalisateur ou les acteurs avec du goudron puis des plumes, ou bien... Sauf que celui-là, moi, j'ai zéro attente parce que je connais rien. J'ai pas vu le sujet d'origine. Fait que je pourrais pas y aller là-dessus, mais je vais essayer de regarder le plus que je peux avant d'aller voir le film, justement. Ben, c'est ça, pour le temps. Là. J'ai le temps en masse. Ouais. On révélera ça bientôt. Là. J'ai mieux révélé un épisode à la fois. Là, ouais. De toute façon, Sylvain, il sait déjà c'est quoi. Ouais, Sylvain, ben... Ouais. Il va faire partie de l'épisode. Je vais l'annoncer parce que tu viens de le dire. Mais Sylvain, ouais, mais... Ouais. L'épisode. Non, excuse-moi. Non, j'en dis pas drôle. Mathieu nous demande si c'est un film d'horreur. J'en dis pas, je dis rien. Là, je dis plus rien. Je veux pas le révéler. Ouais. On a d'autres épisodes encore qui s'en viennent d'avance. Là, on va le dire d'avance pour que si ça vous intéresse d'aller voir le film avant puis de venir écouter l'épisode après. Oui, mais... parce qu'on va sûrement spoiler. Là. Ah, c'est sûr. Et ça va être drôle, ça va être le fun. Mm-hmm. Puis, c'est ça, on va en avoir un autre aussi, épisode régulier avant ça, là, tu sais. Dont tu as choisi la thématique, mais ça aussi, on va en parler plus tard. Plein de beaux projets. Toujours, toujours, il y a toujours de quoi à faire. Si on ferait pas les 30... Si Horror Gamer fait les 31 jours, autres, on ferait quoi comme genre de trucs comme ça pour le bras de fer? Qu'est-ce qui serait logique de faire? Genre un mois thématique ou... Sébastien a fait le mois de Saint-Valentin l'année passée aussi. Là. Ouais. Qu'est-ce que logique avec le bras de fer? Rien, je pense. Ben, si vous avez des idées, dites-en. C'est toujours agréable. Des fois, le monde mentionne des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé. Ouais, c'est ça. On a eu des suggestions tantôt de Sacco, tu sais, au début de la conversation. Ah, non, c'est ça. On est tout le temps ouvert aux suggestions. Là, ça ne veut pas dire qu'on va choisir ça tout de suite. On avait eu des suggestions en début d'année, je pense. Je me souviens plus qui exactement qui nous avait suggéré de faire des films historiques, des films français, des trucs, des films à costume, là, des films historiques. Puis, j'ai oublié les titres, là, mais c'est des films... non, c'est ça, j'ai pas de titre en tête, mais il y en a tellement qu'on pourrait le faire, puis on a tellement d'idées en plus, tu sais, qu'on a des idées encore pour, je pense, pour 30, on pourrait en sortir là, puis on aurait 30 épisodes de planifier, là, tu sais. Jusqu'à notre mort. Ouais, ouais. Ce serait drôle, hein, qu'on arrive à se rendre jusqu'à ce qu'on soit des espèces de petits vieux, puis c'est comme... Hein? C'est que t'as dit? Hein? Le gars, il est mort. Ben, moi, j'ai aimé ça. T'as-tu vu le troisième remake d'Over the Top? C'est bon. Ah, Over the Top. Oui. Mon Dieu, on est rendu à combien de temps, là? Beaucoup de temps, puis on radote. Ouais, on radote en estique, là. On tourne en rond, puis C'est plus le fun pour personne. Non, mais c'est ça, là. On allonge l'épisode absolument pour rien. Qui est rendu à la salle du pont direct. Bon, on a commencé à 9h15, il est rendu presque minuit. Oh my god. OK. Fait que ça dure 2h et 2h40, quasiment 2h50. Finalement, quel tune tu vas mettre? Tu vas-tu mettre le Tlapanton? Oui, oui. Puis elle n'est pas longue, je vais mettre l'original puis la version Yellow Molo. Ouais, ça m'intrigue de l'entendre. C'est juste acoustique, là. C'est juste le gars tout seul dans son studio qui niaisait puis qui s'est fait enregistrer par la gang. Là, ça va être drôle. Après le mois de l'horreur, le mois des morts, boing, boing, boing. Le mois des morts. Ah, il y aurait des trucs à faire, genre 31 films avec des morts ridicules. Non, je sais pas. Non, on pourrait réfléchir de même pendant longtemps. Fait que... Oh, bonne question. Bonne question. C'est Mathieu qui dit, je vais être franc, ça fait 6 mois que je vous suis, mais j'écoute seulement les timeouts car j'aime le format live vidéo. Y a-t-il une raison pourquoi vous ne faites pas les émissions régulières en vidéo? Ben vas-y, c'est quoi ton explication? Moi, j'allais dire pour la simple raison qu'il n'y a pas de montage en live, qu'on ne peut pas rien faire, tandis que les épisodes normaux, on essaie de faire quelque chose de plus structuré que les épisodes time out, qu'on est plus comme libre, si on veut. C'est un peu comme ça que je le vois. Je préfère que nos épisodes normaux sont plus structurés, puis tu sais, si jamais il y a des trucs qui nous achalent, bon, au moins tu peux les couper. Encore là, j'imagine que les personnes pourraient répondre, ben, quand tu fais le format audio, tu pourrais pareil faire du montage. Oui. Sauf, je sais pas. Dans les lives, je fais pas de montage en général, ça me tente pas. Puis de toute façon, ça a passé live comme ça, fait que ça me dérange pas que ça a déjà été vu. Je sais pas. Moi, j'aimais bien l'idée. Je me suis habitué à faire des lives, mais ça a été long. Là, avec Horror Gamer, on s'est habitué, mais on était tout le temps chaud aussi. Puis, je suis pas super à l'aise non plus avec les lives. Ça, je m'habitue, là, mais devant une caméra, je suis tout le temps, comme vous me voyez, je suis tout le temps en train de me poignasser les cheveux, de me poignasser à la face ou quelque chose. Je suis tout le temps nerveux. Là, je suis tout le temps. T'es plus à l'aise derrière un micro que devant. Plus à l'aise devant le micro. Puis comme tu dis, on peut faire des arrêts. On peut, si on a envie d'aller à la toilette, on y va. Puis c'est n'importe quoi. Là, on fait beaucoup de montage. Beaucoup, pas tant que ça non plus. Là. On est rendu des pros. Puis j'aime ça. Notre son est meilleur aussi. Quand je prends l'enregistrement de YouTube ou je sais pas, j'ai pas vraiment de raison en particulier. Faudrait qu'on en jase là, si ça peut être quelque chose qui pourrait se faire éventuellement. Mais ça dépend comment est-ce qu'on filme, moi puis toi. C'est moi puis toi qui décide. Fait qu'on verra là. Mais... Non, je comprends. J'ai pas de raison en particulier. C'est un caprice, peut-être. Je n'aime jamais ça faire la distinction. Mais je serais curieux de savoir aussi s'il y a d'autres personnes qui. Qu'est-ce que les gens pensent? Je ne veux pas mettre ça au vote non plus. On va quand même rester libre de faire ce qu'on veut. Mais, Ben, tu sais, moi, je trouve que ça fait différent. Quand on fait nos épisodes classiques, je trouve qu'on est plus en mode. Plus analyseur, tu sais, on s'amuse plus à décrypter les films, puis on a l'air un peu plus professionnel, façon de parler. Tandis que les time-out, tu sais, on y va juste de même, tu sais, c'est vraiment comme toi et moi, on parle de qu'est-ce qu'on aimait, pas aimé, puis on part dans toutes sortes de directions, tu sais, qu'au début, on commence tout le temps toutes sortes de sujets, puis là, on est rendu comme à 2 heures d'enregistrement, puis on a parlé des pubs de Claire Panton, on a parlé de Julianne Moore, on a parlé des noms, fait tu sais. Ça a juste pas de filtre. Fait que je crois que ça, c'est juste deux trucs. J'y vois vraiment comme deux shows différents. C'est vraiment pas pareil à mes yeux. Non, en effet. Puis si c'était moi qui devais. Si c'était moi là, qui était juste un spectateur ou un écouteur, un auditeur en fait, je l'écouterai en podcast personnellement. Moi, ma façon d'écouter ces émissions-là, c'est en podcast. C'est très rare que je vais m'asseoir puis regarder une vidéo de 2 heures, mettons. Mais c'est pour ça que la plupart des gens qui écoutent les timeouts l'écoutent plus en audio parce qu'ils se promènent, tu sais, ça passe mieux. C'est ce que je veux savoir, en fait. S'il y a des gens qui veulent nous dire qu'eux autres préfèrent les vidéos, tu sais, je vais les écouter puis je veux savoir ce que les gens pensent. Mais c'est vrai qu'on a déjà eu cette demande-là aussi d'avoir des. À un moment donné, je faisais même plus en audio les time-out, puis on a décidé de les refaire en audio parce que les gens l'avaient demandé, puis je me rends compte qu'il y a des downloads pas mal de ça, fait que les gens l'écoutent en audio. Puis moi, comment j'écoute mes trucs, c'est ça, j'ai mon application podcast sur mon iPhone, puis ouais, je peux faire des podcasts. Là, c'est très rare que je m'assure devant YouTube pour regarder, même si à cette heure, comme la plupart des gens, j'ai YouTube sur ma TV, puis je ne m'assirais pas pendant 2 heures pour regarder ça, je préférerais regarder un film, t'sais. Le podcast, ben, tu peux l'écouter en faisant d'autres choses, en faisant du ménage ou peu importe. T'sais. Tu peux l'écouter en partie. T'sais. Des fois, moi, je le pars dans mon auto, je me tape une long ride, après ça, ça arrête, je reviens plus tard. Fait que ça s'écoute mieux que d'une traite des fois. Mais je respecte, tu sais, ça dépend de ce que tout le monde, ça dépend de chacun, tu sais, puis je respecte ça aussi, là, les différentes façons qu'on a de consommer les podcasts et tout ça, les vidéos. Tu sais. Ben, tu sais, en même temps, c'est pour ça que globalement, les critiqueurs qui font sur YouTube des vidéos de critiques de films ou peu importe, c'est des vidéos qui dépassent rarement les 10 minutes. Là. Ça essaie d'être tout le temps d'être le plus court possible parce que justement, c'est rare le monde qui vont passer trop de temps à regarder la vidéo. C'est comme t'as une limite de temps en tant que tel avant de perdre la réception de ton public. Fait que... Puis dans ceux-là, moi, ce que je préfère, c'est ceux qui ont beaucoup de montage. C'est comme Sébastien fait avec Fun Regarder Films ou Sylvain avec le système démenti ou le Fossoyeur des Films puis des trucs comme ça. T'sais. Ceux qui sont juste devant leur caméra pendant 10 minutes, je vais finir par m'étonner. Je vois à moins que ce soit vraiment, vraiment intéressant ce qu'ils disent. Là. Ben, surtout quand il n'y a pas de montage. T'sais. Surtout que c'est 10 minutes, ils se filment puis là, tu as des fois des longs moments qu'il y a des silences ou qu'ils se disent rien. Fait c'est comme, tu sais, je dis, c'est une vidéo, tu filmes, prends la peine de couper, puis ça va rallonger le temps, ça va raccourcir la vidéo, puis ça va être mieux. Fait que, moi, je suis encore à me demander, après tant d'épisodes, je sais pas trop combien, une vingtaine de time-out ou quelque chose comme ça, je suis encore en train de me demander pourquoi est-ce que moi, devant ma caméra, je suis intéressant, tu sais, pour quelqu'un où, tu sais, moi, je me trouve pas si fascinant que ça. Oui, mais sais-tu pourquoi? Pour la simple raison qu'on le fait, parce qu'en premier, on aime ça, puis c'est un peu une soirée ou un moment qu'on s'amuse tous les deux, puis tu sais, c'est cool que les gens viennent regarder puis qu'ils partagent ça. Tandis que les épisodes audio, là, je m'attends plus à ce que le monde les écoute, puisque je le fais aussi, on le fait beaucoup pour ça aussi. Oui, puis j'aime le commentaire de Sacco, puis merci beaucoup de dire que lui, il aime le travail de fond dans les épisodes, tu sais. J'avoue, je prenais plus de notes dans les premiers épisodes. Là, j'en prends moins à stop. On est plus à y aller comme on pense, mais on a du fun. On essaie de mettre des détails et des trucs comme ça. Là, c'est de mettre des trivia des fois, des trucs comme ça. Mais c'est ça, tu sais, qu'est-ce que je voulais dire? Ben, avec Horror Gamer, moi, j'ai vraiment pris du fun à faire les épisodes live. C'était mes épisodes préférés. Mais on était tout le temps chaud, tu sais. On était tout le temps en train de boire. Le bras de fer, la différence, c'est que je suis super sérieux, un petit peu trop. Faudrait que je boive plus dans le bras de fer. Mais faudrait que je me décoince un peu parce que je suis comme l'animateur, puis ça me rend super nerveux trois quarts du temps. Fait que, là, je suis rendu moins pire, mais les premiers temps, c'était comme. Ça me stressait tellement, là, c'était incroyable. Puis juste de devoir décider qu'est-ce qu'on fait, de devoir animer, puis. Mais c'est ça. Et Mathieu? Ben, lis le commentaire, tu sais. Ouais, c'est ça, j'étais en train de lire, ouais. Ben, lis-le tout haut pour les commentaires. Ok. Ben, il y a Mathieu Bovin aussi qui dit « C'est aussi un caprice de ma part, je vous ai découvert en vidéo et c'est ce qui est différent pour moi des autres podcasts, mais j'écoute beaucoup de podcasts audio. » Ok, ben, en tout cas, écoute-en un, puis si t'aimes pas ça, je veux dire, c'est pas grave, là, c'est pas... Faudrait qu'il commence avec un épisode... C'est drôle, ça. Admettons que quelqu'un lui dit « Hey, ça m'intéresse ton show de bras de faire des films, tu me dirais de commencer avec quel épisode? » Celui qui a été le plus téléchargé jusqu'à date, puis ça change pas, c'est tout le temps le plus haut, c'est celui d'Amélie Poulain. Je dis pas que c'est notre préféré à nous deux, mais ça a l'air d'avoir intéressé les gens, tu sais, celui de Cendrillon puis d'Amélie Poulain. Je ne sais pas pourquoi exactement. Est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent et qui ne nous le disent pas? Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a plusieurs que j'aime, mais je conseillerais l'épisode d'Halloween qu'on a fait avec Trick or Treat. Puis, oui. Les deux filles. Oui, parce que je trouve que c'est un épisode vraiment intéressant puis qu'on a élaboré tellement de choses puis c'était le fun en même temps. Je crois que c'est un bon épisode pour commencer. J'aime beaucoup ceux avec nos invités, pas parce que je t'aime pas tout seul, là, mais ceux avec nos invités. Je veux dire, Earl About Eve puis Showgirls, j'ai adoré ça. Mm-hmm. Puis quand Pierre est venu pour faire Jason les Argonautes puis Caveman, c'était le fun aussi. Oui, on a du fun aussi. On niaisait beaucoup Pierre aussi. Marc-Antoine puis Ninja 3, c'était le fun. Il y a plein de bons épisodes. Notre épisode de Edine de Cruisers 2 qui est juste tout seul, il était le fun. Il y en a plein qui sont... Je pense qu'il y a juste deux épisodes, sérieusement, que je ne réécouterai pas pour la simple raison qu'on n'avait pas grand-chose à dire sur les films. Il y a l'épisode de Bullet, qui est bien ordinaire, puis il y a l'épisode qu'on a fait avec... c'était le même, je pense, avec Corvette Summer, c'est le même, ouais. C'est vraiment l'épisode que je trouvais le plus... Tu sais, quand t'as rien à dire sur les films. Ça sonnait comme ça. Sako nous parle de Network. Network, on l'avait fait avec Shock Treatment, je pense. Ouais, j'ai bien aimé qu'on fasse Network, surtout que j'étais comme en extase là, quand j'en parlais, parce que c'était ma découverte, là, puis j'avais trippé. Sinon, notre épisode sur Red Shoes aussi, je pense. Ouais. C'était Red Shoes et... voyons, c'est quoi le... Ah merde, c'était quoi l'autre film? J'ai un blanc de mémoire. Red Shoes puis Breaking. Ouais, c'est ça. Ah non, mais on a eu du fun. À faire chacun, on a eu du fun de toutes les faire. C'est ça qui est le fun. Tu sais, ce qui arrive avec les time-outs, c'est que, tu sais, il y en a que je trouve qu'on a fait qu'on a été intéressant et que les épisodes sont le fun. Tu sais, il y en a d'autres que moi-même, je pense que je ne réécouterais pas parce que je me trouvais pas intéressant parce que j'avais pas forcément grand-chose à dire sur les films. Puis des fois, il y a des longueurs. Puis, tu sais, je peux comprendre qu'il y en a qui n'écouteraient pas les épisodes au complet. Fait que, tu sais, je me dis que le monde se concentre plus sur les épisodes normales que sur les time-outs globalement. Je sais pas. Ben, s'il y en a qui préfèrent les time-outs, tant mieux. Ben, c'est parce que qu'est-ce qui arrive avec les time-outs? Je pense que l'aspect, le fun, puis c'est ça que j'aime, moi, quand d'autres podcasts le font, de parler qu'est-ce qu'ils ont vu durant la semaine, c'est pas à quoi t'attendre. Fait que c'est intéressant de dire, OK, ça va être quoi le prochain film que JF ou Steven va parler puis mentionner. Puis moi, je trouve ça le fun. C'est tout le temps un aspect que j'aime. T'sais, quand j'écoutais le dernier podcast sur la gauche d'Horreur Web, moi, c'est ça que j'aimais, qu'est-ce qui est tourné dans votre lecteur DVD, puisque j'étais intrigué de voir qu'est-ce qu'ils avaient écouté cette semaine. Fait que, je pense que c'est l'espère de ne pas savoir. Là. C'est ma section préférée aussi de leur podcast. Puis c'est un peu dans tous les podcasts que j'écoute de cinéma, tu sais. Puis Killer POV font ça aussi au début, puis ils parlent de ce qu'ils ont vu dans la semaine, puis c'est ce que je préfère aussi, tu sais. Tu fais des découvertes tout le temps là-dedans. Fait que je pense qu'on pourrait arrêter ça là, quelque chose que je pense ouais. qu'on pourrait dire. Puis, je vais pas faire l'animateur qui décide tout, mais... Non, je suis d'accord. Là, de toute façon, ça fait longtemps qu'on aurait dû l'arrêter, mais il y avait encore deux personnes qui étaient présentes. Fait que... Merci d'avoir été là. C'est vraiment le fun. Sakou et Mathieu Boivin, vous êtes restés jusqu'à la fin, malgré toutes nos directions de conversation. Ben oui. Il y avait sûrement quelque chose de plus intéressant que ça à faire, mais merci. Un bon film à écouter, justement. Ouais, c'est sans doute un bon film que vous auriez pu écouter. Ouais. Fait que ben c'est ça. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont nous écouter plus tard en reprise, soit en podcast ou en vidéo. C'est tout le temps très, très apprécié. Puis vos commentaires, puis vos suggestions. Puis... sinon, avais-tu d'autres choses à plugger ou quoi? Non. Non, pas vraiment. On s'en revoit pour le prochain épisode. La semaine prochaine, on enregistre dans une semaine, à peu près, on enregistre notre épisode d'Expédition qui tourne mal, puis ça devrait être en ligne soit dans la fin de semaine ou en début de l'autre semaine. Mm-hmm. J'ai pas les dates devant moi, mais c'est genre enregistré le 18 ou le 19, je pense qu'on c'est ça qu'on avait établi. Fait que merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Bye bye. Bye bye, merci. Il n'y a pas tapé? Ça t'aime-tu?